Vous écoutez les amateurs de Mac. Bonsoir. Bonjour tout le monde, mon nom est Alexis Cornelier et vous avez maintenant du son, j'espère. Je suis content qu'on l'ait recommencé, je dansais bien mieux la deuxième fois. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est moins traumatisant. C'est bon. Donc, vous êtes aux amateurs de Mac Bonsoir, qui est un podcast enregistré devant public, manifestement, et qui est diffusé en podcast sur iTunes. C'est en fait une plateforme de questions-réponses où vous pouvez venir nous poser vos questions et où on essaye, on tente de vous donner des réponses. Et je pense qu'on peut, on peut quand même se péter les bretelles en disant qu'on a quand même assez bien répondu aux questions jusqu'à maintenant. On n'a pas eu, on s'est pas fait avoir par des calls, surtout qu'on choisit les questions en fonction du fait qu'on est capable de répondre à. Ça l'aide toujours un peu. Donc, voilà. Et dans le chat, on a réussi à aller chercher notre monde rapidement parce qu'on est une vingtaine de personnes. Donc, on vous dit salut. Et il y a des gens que je vois déjà dans le chat, Monsieur Ducharme, entre autres, et Biker Chief, qui sont des invétérés du show. En premier lieu, je vais vous présenter mes collaborateurs, donc Jeff Roy et Dev Miller. Salut, Jeff, ça va bien? Bonsoir. Oui, très bien, toi? Oui, passez un bon temps des fêtes. Oui, monsieur. On n'a pas le temps, les gens sont là pour répondre, pour entendre nos réponses à leurs questions. Bon, c'est le fun. Mm-hmm. As-tu reçu des cadeaux en rapport avec Apple? Oui, des cartes cadeaux. Ah, iTunes. Oui. Ouais, il y a quelqu'un qui est allé économiser chez Jean Coutu à acheter des cartes cadeaux à 20$. Moi aussi, ma mère m'a donné une carte cadeau iTunes. En 30$, 24$ qu'ils ont payé. Ah oui? OK. Parce que nous, ce qu'on a trouvé cette semaine, là, il en parlait, puis je pense que le... Ben, c'est moi qui l'ai tweeté, je pense. C'est une carte 25$ chez Jean Coutu pour 20$. Pour 20$, oui. Et on a toujours avec nous Vincent Miller, ce développeur d'application qui se joint à nous, qui est mon co-animateur officiel pour les amateurs de Mac Bonsoir. JF, il vient juste squatter tout le temps. Oui, toujours. Je mets mon petit grain de sel, moi. Voilà. Donc, ça va bien, Vincent? Oui, ça va bien, toi? Oui, pas mal. Passez un bon temps des fêtes. Oui, ça a très bien été. Écoute, je suis d'autant plus content avec ma machine expresso aujourd'hui. Là. Comme je parlais avant le show. J'ai entendu ça tantôt. Oui, c'est ça. Ça se peut que je ne dorme pas de la nuit parce que j'ai tellement de café à rattraper. Non, mais tu as de la post-prod à faire. Il va bouger. Oui, c'est vrai, tu as de la post-prod à faire. Tout le monde demande le podcast de la semaine passée. Oui, puis... c'est à cause des fêtes, vraiment. Là. Ça s'est ralenti cette semaine. Là, parce que, bon, faut que je me rattrape un peu. Là, mais puis en plus, il y a un bout que, bon, quand vous allez écouter les amateurs de Mac Bonsoir, il y a un bout... Alexis me demande de faire justement une post-prod sur un mot qu'il dit. Puis, je rajoute quelques sons alentour de ça. Donc, soyez pas étonnés si vous entendez, du monde huer ou ajouter en post-prod. Là, on n'est pas genre au stade olympique à rien. Là. Donc, c'est ça. Je sais pas si tu as remarqué, mais plus tu parlais puis tu étais en train de bouger comme ça, tu shakais, tu es vraiment sénère, puis tu vas parler comme, comme l'écureuil dans le film. Là. Je me souviens plus, c'est quoi? C'est pas Open Season, c'est l'autre film qui est sorti en même temps. Là. Il est déjà énervé, puis à un moment donné, il donne une goutte de café ou du Red Bull, je sais pas quoi, puis l'écureuil, il bouge tellement vite que tout est ralenti autour de lui. Là. Il passe à travers les gouttes de pluie. C'est très drôle. C'est pas un film de Disney, là, c'est autre chose. Bref. On n'a pas d'enfants. Ouais. Voilà. Mais non, j'ai pas vu ça avec mes enfants. Ah, OK. Ah. Voilà. On a déjà des questions, fait qu'on va y aller rapidement. D'abord, je voulais présenter ces faits. Je voulais remercier deux personnes. La première, en fait, c'est M. P. Ducharme, qui est sur le chat avec nous, qui, la semaine passée, en fait, bon, vers la fin du podcast, nous avait laissé entendre que lui, il était capable d'enregistrer son terminal illico. Et à ma connaissance, c'était quelque chose qui n'était plus possible. Ça avait été bloqué. Puis il a vraiment fait les tests et il a écrit un super article sur Mac Québec Entraide. Article qui, juste sur la plateforme Mac Québec Entraide, a été consulté 406 fois. Et on lui a demandé la permission et on l'a repris dans le blog où, évidemment, ça a été consulté par des millions de personnes. On remercie beaucoup M. Ducharme qui contribue à la communauté. On le rappelle, là, Mac Québec, c'est pas juste un site web de nouvelles. C'est vraiment une communauté de tripeux de Mac. Donc, si vous êtes intéressé à partager de l'information, ben, Kim Auclair est toujours intéressé à diffuser votre contenu. Voilà. Je vais commencer par mon petit grain de sel. Ouais, vas-y donc. En fin de semaine, je vais essayer avec mon enregistreur illico, le nouveau. Mm-hmm. Fait que faut que j'aille juste me chercher un fil FireWire, là, parce que j'en ai pas à la maison. OK. Fait que je vais aller chez Addison, puis je vais essayer ça avec le nouveau terminal, puis je vais vous en donner des nouvelles si ça fonctionne avec les nouveaux. Là. Excellent. Okay. Puis. J'aimerais faire une parenthèse sur ce que je t'ai parlé tantôt. Je sais pas si tu veux parler quelque chose avant qu'on commence. Oui, je vais juste remercier ma deuxième personne, puis après ça, tu feras ton truc. Donc, je voulais remercier M. Philippe Beauregard, qui, sur Mac Québec Entraide, est venu parler d'une œuvre, d'une peinture, un 5 par 7,5 pieds. Okay, donc, c'est une peinture assez grande qui a été faite par Michel Bell. Et si vous allez sur Mac Québec Entraide, vous allez pouvoir la trouver. C'est la rencontre entre Steve Jobs et Bill Gates qui a été peinturée sur ce gros truc-là. Et c'est quand ils se sont rencontrés, je pense que c'est à All Things Digital en 2007 à Silicon Valley. Donc, je trouvais que la peinture était intéressante. Puis, bon, il est là pour plugger, je me souviens plus quoi. Je pense que c'est une application quelconque là, qui veut plugger. Fait que vous irez voir sur le site de Mac Québec Entraide. Mais la toile est vraiment belle et vraiment intéressante. Fait que je voulais lui dire merci d'avoir partagé ça avec nous. Je trouvais ça bien drôle. Mm-hmm. Pour ma part, la parenthèse que je voulais rajouter, c'est à propos de Mac Québec. Je sais pas, là je me rappelle pas, j'ai fait toujours allusion un peu dans le show que je développais une application. Je vais en parler un peu plus rapidement. En ce moment, je suis en train de développer l'application Mac Québec mobile qui est 2.0. Donc, pour remplacer celle qui est en ce moment, qui a des légers bugs, là, quand même plusieurs bugs dedans. Donc, certains articles qui apparaissent pas, ces choses-là. Comme un petit mineur et celui de ne pas fonctionner pendant tout, là. Ben, entre autres, c'est un des bugs. Mais, donc, c'est ça. Puis, ben, je suis en train de développer from scratch. Okay? Donc, il n'y a rien qui vient de l'ancienne application. Donc, c'est ça. Puis, en fait, je voudrais offrir aux personnes qui nous écoutent en ce moment la chance d'essayer la bêta. J'ai envoyé à JF, à Alexis, puis à deux, trois autres personnes le bêta. Oui. Puis, il y a des bugs, comme je l'ai dit au départ, mais ça semble quand même, le genre commence à être intéressé. Là. Tout le monde est intéressé par l'application, donc je vous remercie tout d'abord. La deuxième chose, comme je vous dis, je voudrais offrir un peu plus à tout le monde, donc j'offre 50 applications pour ceux qui veulent l'essayer. Donc, vas-y. T'es-tu sûr que tu veux te taper toute l'entrée de Udid? 25? Oui, ça ne dérange pas. 50 correct. Au maximum, okay, parce que là, si j'en ai trop, peut-être pas. Mais en fait, donc, il y a un délai. En ce moment, on est le 5. Donc, le délai est jusqu'au 8 janvier. 8 janvier, 21h. Okay? Donc, pour ceux qui les réécoutent, je vais peut-être avoir la chance de l'entendre un peu. Vous allez sur mon site web où mon courriel, vous me l'envoyez, contact@vmiller.ca. Okay? C'est très simple. Au départ, vous m'envoyez votre UDID. Ce que c'est, ça, c'est votre numéro d'identification de votre iPhone, iPod Touch, iPad. Ceux qui ne savent pas comment les chercher, ceux qui n'ont pas Xcode, par exemple, soit vous allez dans iTunes, vous allez voir, il y a un code de votre téléphone qui est écrit dans iTunes. Là, je ne l'ai pas. Mais vous cliquez une ou deux fois dessus, puis vous allez voir si ça va vous apparaître, le UDID. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser l'application UDID Tool, qui est gratuite sur, sur iTunes pour ceux qui... Sur le App Store. Sur l'App Store, c'est une application qui est vraiment laide, mais ouais. Qui te permet de prendre le UDID puis de le shipper, de l'envoyer par courriel. Par email. Donc, JF avait quelque chose aussi, je pense. Ouais, je vais juste vous dire c'est où dans iTunes. C'est. Attendez un peu. Hein. Ouais, c'est quand vous branchez votre téléphone, vous allez sur votre téléphone. C'est où est-ce que c'est marqué le numéro de série de votre téléphone. Vous appuyez sur les chiffres. Et vous allez voir, ça va être marqué identifiant UDID. C'est genre, je pense que c'est 25 caractères. Non, c'est plus que 25, ça. C'est comme à peu près 20-30 caractères. C'est des chiffres et des lettres. C'est cette partie-là qu'on a besoin. Alors, fait que ça. Vous le marquez sur un bout de papier parce que vous ne pouvez pas la copier. Fait que vous marquez sur un bout de papier puis vous le renvoyez à Vincent par courriel si vous voulez avoir si vous êtes, un certificat. Si vous êtes quelqu'un qui n'utilise pas vraiment iTunes, comme je dis, utiliser l'application est gratuite. Vous pouvez l'envoyer par courriel. La façon de faire rapide, c'est, dans le fond, vous allez me l'envoyer. Je vais vous donner une réponse dans la journée là, pour vous dire que c'est parfait. Je vais vous mettre ça sur... vous enregistrez dans votre certificat. Puis en fait, le code que je vais utiliser, ça va être justement ça. Dans le courriel, ajoutez votre nom, prénom, nom, l'appareil, donc c'est un iPhone, un iPod Touch, un iPad. Vous mettez ce UDID-là, puis je vais vous répondre en disant « c'est parfait, j'ai pas besoin d'autres informations ». On a-tu besoin de l'adresse, numéro de téléphone, puis assurance sociale? Assurance sociale, oui, mais ça, c'est pour d'autres choses. C'est un ami qui travaille en Afrique, là, qui est bon. Je vous expliquerai un peu les détails plus tard. Mais non, sérieusement, en fait, vous envoyez ça, votre nom, votre courriel, si vous voulez utiliser un autre courriel là, pour que je vous réponde, votre UDID, puis donc c'est ça. Puis votre appareil, très important, iPod, iPhone ou iPad. Ensuite, je vais vous envoyer un courriel le 8 ou le 9, probablement le 9 le lendemain là, pour que je rentre tout ça. C'est un certificat, donc si vous prenez le certificat que je vous donne, qui est un point mobile provision, donc vous prenez, vous le déposez sur l'icône iTunes dans votre doc en bas. Ensuite, vous prenez votre application en .ipa, je crois. Vous la prenez, vous la déposez aussi, puis ça va fonctionner. Moi, j'ai ça m'envoie un courriel automatiquement quand vous rajoutez ça dans votre application. Vous faites juste une synchronisation de votre application, puis ça devrait tout fonctionner. Vas-y, Jeff. Encore plus simple. Lisez votre courriel sur votre téléphone ou iPod Touch ou iPad et vous avez juste à cliquer sur le certificat en premier et après ça va l'installer direct dans le téléphone ou votre iBidule, là, n'importe quel. Et après vous appuyez sur l'application va être téléchargée automatiquement, s'installe automatiquement, pas de mot de passe, rien. Fait que vous n'avez même pas besoin d'utiliser iTunes, là. Ouais, c'est ça en fait. Je vous avais conseillé, ça a fonctionné. Ouais, ça fonctionne. Donc ça devrait tout fonctionner. Si vous avez des problèmes, écrivez-moi. Mais j'avais eu quelques problèmes au départ pour les envoyer. Finalement, ça s'est corrigé. Donc c'est ça. Dans le chat, il y a quelqu'un qui te parle de TestFlight. Est-ce que tu connais cette plateforme-là? TestFlight App, je crois. TestFlightApp.com. Je connais, j'en utilise un autre. Ah, ok. Je m'en rappelle pas du nom, mais ça fonctionne très bien aussi. De toute façon, mon compte est déjà créé, fait que ça va être plus simple. Excellent. Je vais vous envoyer juste le lien vers l'application. Puis moi, j'ai une confirmation pour me dire quand l'application est utilisée et téléchargée par quelqu'un. Excellent. Donc c'est ça. Si vous avez des questions, il y a plein de bugs, ok? Je vous avertis, il y a plein de bugs. Il y a des. C'est pas une version presque finale. Là. Le concept, même si... c'est de les trouver, tu sais, puis de t'envoyer un rapport. Voilà. Je dis tout de suite l'image dans l'article, quand vous allez l'ouvrir, il est écrit MacQuébec MQ Mobile. Ça devrait être enlevé, ça. Ça devrait être remplacé juste par le titre qui va être en haut pour qu'il y ait un peu plus de place. Donc, il y a plein de bugs, mais même si ce bug-là, vous le voyez, puis je viens de vous le dire, rajoutez-le. Puis en fait, vu que vous allez recevoir la bêta, j'aimerais ça que vous m'envoyiez un rapport de bêta test. Donc, vous l'ayez essayé puis me dire comment ça fonctionne, si ça fonctionne bien, si vraiment c'est de la chenoute, s'il y a des bugs. Donc, c'est ça. Puis, en fait... By the way, là, le turquoise, là, c'est pas un bug, c'est un feature. Ouais. vous... Envoyez-moi-le par PDF, l'espèce de petit rapport rapide, donc fonctionnalité puis bug que vous voudriez avoir comme fonctionnalité puis des bugs à corriger dans l'application. Comme ça me facilite un peu la tâche pour les lire. Puis je peux les enregistrer puis les archiver plus facilement. Donc un PDF, une section bug puis une section features. Donc c'est ça. Puis je dis tout de suite, quand vous allez cliquer sur l'image MQ Mobile, c'est supposé vous envoyer vers un site web qui serait l'article plus en détail sur le site de Mac-Québec qui ne fonctionne pas. Donc, je vous dire, là, c'est pas. C'est un petit bug là, que je vous dis tout de suite. Là, mais vous pouvez le rajouter dans le PDF, tout ce que vous voyez, votre test. Prenez une couple de jours pour le tester, là, pour être sûr que ça fonctionne. Puis renvoyez-moi ça par courriel. Là. Mon courriel, je vais le répéter, si vous ne passez pas par un site web, c'est contact@vmiller.ca. ou par le formulaire de mon site web sur vmiller.ca. Donc, c'est ça. Le message à retenir de tout ça, c'est qu'on a besoin de vos feedbacks au niveau des bugs qu'il pourrait avoir dans l'application. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas juste de dire on fournit l'application puis c'est cool, vous l'avez avant tout le monde. C'est vraiment que si vous êtes des early adopters, ben, on a besoin de vos insights à propos de ça pour que lui puisse l'améliorer. Exactement. Voilà. On va commencer avec les questions. J'ai mal fait le pacing. La première question n'a pas rapport, sauf que on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions en rapport avec du Wi-Fi cette semaine, que ce soit général, puis même la question qui est en attente en ce moment sur la plateforme. On a déjà une question qui est là. Ça a rapport avec le Wi-Fi, donc les gens ont beaucoup de problèmes de ce côté-là. On va essayer de les aider un petit peu avec ça. Mais la première question que j'avais mis au pacing cette semaine, c'était Lobo sur Mac Québec Entraide qui nous demandait comment lire un DVD européen sur son Mac. Il faut savoir que les lecteurs DVD sont bloqués par zone. C'est le cas aussi avec les Blu-ray, pour s'assurer qu'un DVD qui, évidemment, va sortir avant, par exemple, en Europe ou ici, par rapport à l'Europe, les DVD sortent avant pour les films américains, ben on peut pas juste le prendre, l'envoyer là-bas, puis qu'eux autres sont capables de le faire. Donc, pour des lecteurs de DVD de salon, c'est un vieux truc, là, faut changer les zones, puis là, tout dépendant du lecteur DVD que vous achetez, vous avez un nombre de fois que vous pouvez changer la zone. Bref, il se demandait comment faire sur le Mac. Est-ce que je suis obligé de hacker le firmware de mon lecteur DVD? Pas du tout. En fait, VLC, qui est un logiciel de lecture vidéo open source, permet, et Lobo est déjà au courant, il en profite depuis une semaine, VLC est capable de lire des DVD et se sacrer complètement de la zone dont le DVD viendrait. Donc, voilà un petit truc. Si jamais vous avez, vous mettez la main sur le coffret DVD de Sherlock anglais, qui est une excellente série qui passe sur BBC One, vous pourrez l'écouter sur votre Mac. Deuxième question de Lobo encore, qui nous demande aussi des trucs pour son routeur. Lui a des problèmes. Il s'est acheté un haut-parleur AirPlay qui bloque lorsqu'il écoute la musique. Donc, il démarre en fait le AirPlay, puis son iPhone ou son appareil est connecté au réseau sans fil. Et puis là, il se passe des trucs. En fait, c'est que le signal n'est pas assez fort pour se rendre jusqu'à sa base, en fait. Mais en fait, c'est plus que il y a un problème de bande passante. Il y a quelque chose qui doit manger de la bande passante. Puis ça fait que le son n'est pas capable de se rendre assez. Donc, j'en ai parlé dans un ancien podcast, mais les deux fréquences qu'il y a, des fois, s'il y a beaucoup de personnes qui utilisent la 2.4 GHz, des fois, il peut y avoir aidez-moi. Des interférences, merci. Donc, il peut y avoir des interférences sur le 2.4 GHz. Essayez le 5 GHz si votre AirPort est assez récent. Donc, peut-être que ça pourrait régler le problème, mais c'est une solution. Essayez peut-être, si vous n'avez pas d'autres solutions, ça ne marche pas très bien. Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que un routeur, c'est un petit ordinateur qui fonctionne avec un processeur, de la mémoire et l'équivalent d'un disque dur là, qui est de la mémoire flash de quelques megs sur lequel le système d'exploitation de la patente du routeur se trouve. Et puis, tout ça roule et s'occupe de gérer les connexions entrantes, les distribuer en DHCP, c'est-à-dire donner une adresse à votre ordinateur de façon dynamique pour pas que vous ayez besoin de choisir une adresse vous-même, tout ça. Et les autres fonctionnalités que votre routeur pourrait offrir. Au niveau des routeurs Apple, on a des fonctionnalités sur certains sur le AirPort Extreme et le AirPort Express et le Time Capsule qui sont un petit peu différents puis qu'on retrouve pas nécessairement sur tous les routeurs, mais ça fait pas du routeur Apple nécessairement le meilleur pour vos besoins. Par exemple, il y a une fonction qui n'existe pas sur les routeurs Apple qui s'appelle le QoS ou le Quality of Service qui est en fait de prioriser certains trafics par rapport à d'autres. Donc, si certains, je vais vous donner un exemple, mais si certains d'entre vous utilisent des logiciels torrents comme... Ça, c'est pour faire des mises à jour. Là. Ouais, c'est ça, télécharger des distributions de Linux. Là, il y en a certainement. Évidemment. Ou si vous jouez à World of Warcraft. Aussi, c'est ça. Là, on n'est pas comme ça. Non, pas en tout. Donc, si par exemple, on télécharge, ce que le protocole torrent va avoir tendance à faire, c'est de créer un nombre de connexions qui vont en fait saturer le routeur, puis d'y demander le plus de bandes passantes possible. Ce qui fait que le routeur, une fois qu'il a donné toute sa bande passante à une demande, puis qu'il n'y a pas de système qui vont créer une priorisation, dès qu'il va avoir une autre demande, par exemple, pendant que vous téléchargez, vous voulez aller sur une page web, aller voir le bye-bye sur tout.tv, mettons, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire « je peux pas t'accommoder, je donne déjà toute ma bande passante à une demande. » Et souvent, ce qui va se passer, c'est que l'utilisateur va comme paniquer, il va commencer à faire « c'est quoi cette espèce de merde-là, de routeur, de pas bon? » Puis, c'est là que le routeur va planter parce qu'il va faire un paquet de demandes supplémentaires alors que le routeur est déjà dans le tapis. Et oui, j'ai dit tapis, il y a un S à la fin. Donc, qu'est-ce que le Quality of Service? C'est une fonctionnalité qui dit, par exemple, de la voix sur IP, je veux le prioriser. Donc, cette communication-là, sur ce protocole-là, sur telle part, elle... Dès qu'il va avoir une demande, c'est clair que je lui donne de la bande passante et que les autres, je les tasse. Le HTTP, on peut le prioriser aussi quand on a un routeur qui fait du QoS parce que théoriquement, ça ne demande pas beaucoup de bande passante. Ça ne sature pas la bande passante, à moins, par exemple, qu'on utilise Rapid Share ou Mega Upload. Et puis à ce moment-là, évidemment, c'est ou Netflix. À ce moment-là, c'est du streaming via le protocole HTTP. Donc, à ce moment-là, ça va saturer votre routeur. Donc, on parlait un petit peu plus tôt, en fait, du 2.4 GHz, du 5 GHz. Et ça, c'est au niveau des ondes qui sont utilisées. Si vous faites le tour de votre maison rapidement, des choses qui fonctionnent en 2.4 GHz, il y en a beaucoup. En fait, probablement tout ce qui fonctionne en sans fil, votre souris, n'importe quel casque Bluetooth, votre four micro-ondes est à 2.4 GHz. Vos téléphones sans fil sont en 2.4 GHz, à moins d'avoir profité du spécial de téléphone Panasonic Dexis chez un gros vendeur dont le nom en anglais ne respecte pas la loi 101 et qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas, vos téléphones sans fil ne sont pas en 2.4 GHz, mais la plupart de ceux qu'on va avoir dans la maison vont être en 2.4. Et imaginez, en fait, que vous êtes dans une pièce et que tous ces objets-là se parlent, OK, en même temps. Fait que, mettons que moi, je suis une souris Bluetooth, que Vincent est un faux micro-ondes, puis que JF est un ordinateur qui essaie de parler en sans-fil. On essaie tout de discuter avec la bébelle. Fait que... 1, 2, 3, go. Ouais, je voudrais avoir le HTTP. Hey, j'ai dit à go. On donne un exemple, les gars. Suivez. À go, le micro-ondes. Ouais, on parle en ce moment. Le micro-ondes, tu pars un popcorn. Okay. JF, tu moi, je fais du Skype. Ouais, tu fais du Skype. Puis moi, je suis une souris Bluetooth. Fait que je vais envoyer des coordonnées. Fait que à go, on fait tout notre job. 1, 2, 3, go. Voilà, X42, OK, va 62, blablabla, channel. Bon, je pense que l'exemple est bon. Pouf, ça vient de planter. Donc, voilà, on était à 2,4 GHz, puis il y a eu des collisions, il y a eu des choses qui se sont pas bien passées. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que on vous dit que du premier étage au sous-sol ou à travers les murs, ça va passer. D'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans vos murs. Parce que le comment ça s'appelle? L'amiante? Ouais, probablement ça. Ou en fait, n'importe quelle substance qui aurait de l'eau, OK, absorberait les ondes Wi-Fi. D'ailleurs, quand il pleut dehors, puis que vous êtes habitué dans le jardin d'avoir votre sans-fil, probablement que ça va moins bien pogner. Parce que les ondes sont toutes absorbées par l'eau. De la même manière, en fait, le four micro-ondes fonctionne de cette façon-là. C'est sur du 2,4 GHz, sauf que le wattage est pas mal plus élevé que votre routeur sans fil, une chance. Et à ce moment-là, c'est ça qui chauffe les molécules d'eau puis qui fait que votre bouffe devient chaude et molle. Donc, où est-ce que je voulais en venir avec ça? Donc, ce qui se passe, c'est qu'il commence à avoir des routeurs qui commencent à sortir en 5 GHz. Donc, mettons que tout le monde est en 2,4 à ce niveau-là, bien, le gars qui est à 5 GHz, lui, imaginez que, nous autres, on mesure tout à peu près 5 pieds et 9, sauf Vincent qui mesure 6 pieds 24. Puis, 6 pieds 24? Ouais, je suis juste plus grand que toi, t'es jaloux. Oui, oui, oui. Puis Vincent, il est plus grand, donc il est à 5 GHz, puis lui, quand il parle, sa voix passe par-dessus tout le monde. Puis comme il parle à une bebelle, à quelqu'un qui est aussi plus haut que les autres à 5 GHz, bien, il n'y a pas d'interférence. Eux autres se parlent. Fait que si vous êtes dans un endroit où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont à 5 GHz, il n'y a pas beaucoup de périphériques qui sont à 5 GHz, puis non, ils n'en feront pas des souris puis des faux micro-ondes à 5 GHz parce que ça ne cuit rien du 5 GHz. À ce moment-là, il va avoir une moins grande saturation. Puis, moi, ce que j'ai vu sur Internet, c'est que si tu essaies de faire de la transmission de données sur du 5 GHz, c'est beaucoup plus rapide que si tu le fais sur du 2,4. Puis ça, ça n'a pas rapport avec du N ou du G ou du... c'est-à-dire que le 5 GHz, c'est dans la norme N. Tu n'en as pas dans le G du 5 GHz. Puis... tout ça. Donc, si tu as un routeur dual band, donc 5 GHz, qui est invariablement à la norme N, à ce moment-là, il y a beaucoup plus de chances que ton routeur fonctionne bien par rapport à d'autres, là, des petits D-Link 2.4 là, à 30-40$. Comme que j'ai. Bon. Pas le D-Link, là, je parle. Là. OK. Non, fais pas ça. Moi, je parle pas au monde qui ont du D-Link. Le check Vincent va nous dire qu'il y a un D-Link. Là. Non, un Link 6, quoi. Ah, oh, OK. Bon, Link 6, c'est pas si pire, mais moi, j'haïs ça du D-Link. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Là-dessus, on commence à brancher nos consoles de jeux vidéo, on commence à brancher. Évidemment, il y a un gros facteur, et on l'a vu à plusieurs reprises au podcast, qui est la bande passante. Donc, vous avez du download et du upload. Je ne veux pas trop aller par là, mais votre routeur qui fait du... mettons un routeur standard là, à la norme N va faire entre 150 et 300 mégabits de transfert. Donc, on va le diviser par 8 pour le mégabyte. Si je me trompe pas, il y a quelqu'un qui m'arrête si je me trompe. Donc, 150 mégabytes divisé par 8, ça va faire un transfert qui va grosso modo être à 10 mégasecondes. 150 divisé par 8, ça donne 18,75. Bon, 18 mégasecondes, grosso modo. Donc, le transfert de votre routeur sur tous vos appareils peut être de 18 mégabytes secondes. Donc, c'est quand même pas mal de bandes passantes, mais quand on le divise, ça commence à avoir l'air clown un peu. Là. Ça commence à être difficile. Puis l'Internet qui est à l'intérieur de ça, souvent va être autour de 5 mégabits secondes, donc 5 à 7 à 8. Donc, c'est pas... C'est ça. Donc, on nous rappelle dans le chat, effectivement, que c'est optimum. Là, c'est, tu sais, si t'es à côté de ton routeur, que y a, tu sais, les ondes vont bien, t'es directement dans l'onde et non pas entre deux longueurs d'onde. Fait que c'est ça qui... c'est sûr que t'es pas à 150, t'es en bas de ça. Souvent, en fait, ce qu'on est mieux de faire, c'est de rabouter par fil ce qu'on est capable de connecter par fil. Puis le sans fil, ben là, ça va faire ça va faire la dernière connexion. Ça va remplacer en fait le fil réseau de 6 pieds pour pas que tu ailles un fil réseau de 6 pieds puis que tu puisses te promener. Fait que si tu as besoin de quelque chose de stable, à ce moment-là, ce que tu fais, mettons que tu joues à World of Warcraft, tu veux pas de lag, idéalement, tu te connectes en filaire, puis il y aura pas de descente. Ta blonde qui vient te parler, puis qui passe entre toi puis le routeur, ton ordinateur puis le routeur, ne fera pas descendre ton ping, fera pas que tu vas te déconnecter et tout ça. La question, pour revenir à la question de Lobo qui avait des problèmes de AirPlay, c'est que lui, j'ai l'impression qu'il utilise un AirPort Express et que ce AirPort Express-là est connecté en WDS, qui est un protocole de répétition de signal. Donc, le premier routeur va diffuser. Et là, à un moment donné, on est rendu à un endroit où est-ce que le signal commence à diminuer. Donc, on va mettre un AirPort Express. Et à ce moment-là, lui, il va prendre le signal et il va essayer de le rediffuser. Mais à ce moment-là, il est capable de faire la moitié de la job. Donc, il diminue de moitié sa capacité de prendre un signal et de le diffuser. Parce que d'une oreille, il faut qu'il écoute. Et de l'autre oreille, il faut qu'il diffuse, ou de la bouche, il faut qu'il diffuse, pour garder une analogie. Non, il n'y a pas de 5 GHz sur le AirPort Express en ce moment. Donc, c'est peut-être une mise à jour qu'il faut qu'il fasse éventuellement. Mais j'ai l'impression que l'appareil est trop petit pour mettre les antennes qu'il faut pour du 5 GHz, mais je peux me tromper. Donc, supporter peut-être deux fréquences sur un petit appareil comme ça, c'est sûr que c'est peut-être un peu plus difficile. Là. C'est ça. Puis en même temps... Extreme, tu sais, s'il n'y avait pas une coche de plus dans Extreme, tu sais, c'est Express, c'est un petit peu plus vite. C'est ça. Puis le Express, c'est parce qu'il veut que ce soit compatible avec tous les appareils. Or, ceux qui ont un iPhone 4S, c'est compatible avec la norme 5 GHz, le iPad 2 aussi, mais tout ce qui est en bas de ça ne fonctionne que sur du 2.4. Donc, à ce moment-là, il y aurait des gros problèmes. Ah, t'as un petit peu... Je suis sûr, non, il supporte le 5 GHz. Le AirPort Express? Oui, je viens d'aller sur Apple. Ouais, ça, je suis en train de checker. Il supporte le 2.4 puis le 5 GHz, les fréquences. OK. Peut-être les dernières bornes, il y a peut-être eu des petites mises à jour. Oui, mais il faut savoir aussi que quand vous allez l'acheter puis vous allez le configurer, de base, il va être à 2.4 puis il faut le changer. Ça, c'est pour tous les appareils. Pour Apple, l'Extreme ou l'Express. OK. Donc, il faut le changer. Puis moi, c'est pareil. Dans le fond, contrairement au AirPort Extreme, qui fait, lui, du dual band, c'est pour ça qu'on l'appelle dual band, le AirPort Express va faire du single band, c'est-à-dire va faire soit du 5 GHz, soit du 2.4. Donc là, ça commence à être compliqué parce que mettons que tu as un réseau qui part de ton dual band, qui fait, lui, du 2.4, du 5, puis là, tu as une zone que tu as étirée avec un AirPort en 5 GHz, mais que dans cette zone-là, tu essaies de te connecter avec un iPod de troisième génération qui fait pas de 5 GHz, tu vas être fourré puis tu sauras jamais pourquoi. Tu vas être un petit peu fourré. Rapidement, en fait, là, juste pour faire un retour, je vais diffuser une question. Donc, on nous a demandé, Dean nous demande sur quelle fréquence fonctionne le Bluetooth. C'est du 2.4 GHz. On va enlever ça. Et est-ce que la première question qu'on a eue, désolé de répondre 15 minutes plus tard, Édouard, mais est-ce qu'il est possible de d'étendre la portée d'un réseau Wi-Fi, d'un routeur D-Link avec un AirPort Express? La petite réponse est non. La grande réponse est peut-être si... En fait, il est possible de trouver des recettes sur Internet qui vont te dire comment configurer ton D-Link et comment configurer ton AirPort Express pour faire du WDS. Mais des fois, les protocoles sont un petit peu différents, puis ça voudra pas fonctionner là, nécessairement. Là. Chez D-Link, de toute façon, ils ont leurs propres appareils pour faire ce qu'on appelle du WDS ou de la répétition. Puis le WDS n'est pas à proprement parler un vrai protocole Wi-Fi. C'est comme une patch bizarre qu'ils ont faite, puis ça marche pas super bien, c'est pas vraiment fiable, c'est pas super cool à utiliser. Habituellement, moi, je suggère toujours, si vous pouvez le faire, là, de votre AirPort Extreme, passez des fils qui vont se connecter au AirPort Express, puis eux autres vont faire la job, puis tout ça va bien fonctionner. Là, on a répondu à la question, en fait, grosso modo, à la question de Lobo, qui finissait à avoir des problèmes. Donc, à retenir pour Lobo, pour sa question spécifique, lui, ce qu'il nous spécifiait, c'est que les AirPort Express ont été placés à l'aide d'un logiciel d'optimisation de zone. C'est-à-dire que tu peux avoir des logiciels où est-ce que tu leur dis ben où est-ce que je peux mettre mes appareils pour que ce soit fait de façon optimale. Où est-ce que ma dissipation de signal selon les appareils que j'ai va être la meilleure. Et ces logiciels-là, en fait, vont vous aider jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que, à moins qu'on le paramètre vraiment bien en lui disant, ben à tel endroit, il y a un mur qui est fait de telle matière, à l'intérieur, il y a telle laine minérale ou tel truc à l'intérieur du mur. Des fois, les murs sont vides, des fois, il y a du métal dedans. Donc, pour des maisons neuves, par exemple, si les murs, c'est des forêts en métal, ben vous avez une cage de Faraday autour de vous, puis le signal va pas mal moins bien se propager entre une pièce et l'autre que si vos murs étaient faits en bois, par exemple. T'sais, même dans des condos maintenant, il y a des espèces de plaques en béton. Je parle pas dans les murs, mais je parle dans les plafonds. Dans les planchers, oui. Partager une connexion avec quelqu'un en haut. Ouais. Fait que c'est vraiment compliqué. Moi, j'ai une cliente comme ça, justement. Elle a deux routeurs qui rentrent, puis elle a même deux connexions Internet parce que la plaque de béton empêche complètement de faire passer du signal en sans fil et elle veut pas passer de fil entre les deux. Fait que, bon. La deuxième chose que je pourrais dire à Lobo est de vérifier si les AirPort Express sont normalement en WDS, là. Ça, c'est à peu près certain, mais je pense que c'est plus mentionné comme ça. Je pense qu'ils appellent ça extension de réseau ou quelque chose comme ça, là. Mais le wizard est assez bien fait sur les AirPort Express là, pour ça. Mais il est possible que durant la configuration, pour une raison ou une autre, vous n'ayez pas désactivé les serveurs DHCP des AirPort Express. Puis à ce moment-là, en fait, c'est pas très bon parce que ça fait un double serveur DHCP. Des fois, ils sont sur le même range DHCP. Fait que ça cause des gros problèmes. Donc, il faut aller mettre les routeurs en mode bridge, c'est-à-dire que les routeurs AirPort Express n'offrent plus de DHCP. C'est le premier routeur qui s'en charge. Souvent, quand on va désactiver ça, ben en fait, on va régler une bonne partie des problèmes. Et si, pendant qu'on est en train de faire de l'écoute de musique, il y a une grosse demande, comme je parlais tout à l'heure, du protocole ByteTorrent qui va tout demander. Donc, si vous avez, par exemple, un adolescent dans la maison qui est en train de faire du téléchargement de porn pendant que vous écoutez de la musique, il y a fort à parier que votre musique va être coupé. J'ai fait un autre mouvement, mais ça se dit mal à la radio. Mais votre musique va être coupée. Je vais répondre. Jeff qui saute sur sa chaise. Alors, on parlait du mode WDS à cette heure qu'ils appellent plus ça de même. Oui. Sur les routeurs à Apple, ça s'appelle en anglais, c'est Allow this network to be extended. OK. En français, ça doit être... Laisser ce réseau être étendu. Tu sais. Fait qu'il faut pas que ça soit coché. Fait que si c'est coché, c'est sûr que ça va mal fonctionner pour tout ce qui est transfert de données. Fait que c'est juste vraiment... c'est dans l'onglet sans fil, c'est vous choisissez joindre un réseau. Ah non, c'est ah non, ils l'ont en plus, c'est participate in a WDS network. OK. Fait qu'ils l'ont encore dans le mode sans fil. Fait que je viens de le voir, là, je viens de le trouver en putainant l'onglet. Mm-hmm. Fait qu'il est encore là. Mais faut pas que la case réseau soit étendue, faut pas que ça soit coché, là, sinon ça fait des fucks dans le réseau. Ah, je peux-tu. J'aimerais juste ajouter quelque chose à propos. C'est pas à propos de ça. C'est la bêta rapidement. J'ai reçu un courriel là, de Biker Chief, mais envoyez-moi juste un des deux devices que vous avez. Parce que si vous m'envoyez iPad plus iPhone, tout le monde, ben, au lieu d'avoir 50 appareils, je vais en avoir 100. Puis là, ça rentre plus dans mes affaires. T'as même pas commencé l'école encore. Ben, envoyez-moi juste iPhone ou iPad. Renvoyez-moi un courriel ou Biker Chief, toi, tu peux l'acheter dans l'affaire. Là. Mais iPad, OK, c'est bon. Mais pour le monde qui vont envoyer des courriels, là, choisissez un des deux, pas les deux, parce que sinon, c'est ça, je vais être full. C'est une bonne question pendant que tu es en train de nous interrompre sur cette lancée. Est-ce que l'application va être compatible à iPad? Va-tu être Retina ou je sais pas quoi? Elle va être Retina pour l'iPhone. Pour l'iPhone? Puis ben, pour l'iPad, en fait, tu vas pouvoir l'avoir, mais elle sera pas universelle encore. Là. Elle va être... J'avais commencé avant de travailler pour une version iPad. Puis finalement, on a décidé de commencer à plus réparer l'application slash en faire une 2.0. Okay. Puis de l'application iPhone. Puis ensuite, plus tard, probablement pendant l'été, on va faire une version iPad après. OK, fait qu'il va falloir que le monde appuie sur le bouton pour la mettre full screen. Là. Ouais, s'ils veulent l'utiliser sur l'iPad, parce que ce ne sera pas une application universelle là, en tant que telle. Mais c'est ça, le bouton à droite là, qui est d'en bas qui va être écrit deux fois. Là. On va continuer à parler de Wi-Fi, mais avant toute chose, j'aimerais le rappeler parce que je ne l'ai pas fait et j'ai complètement oublié. On utilise la plateforme Vocal et on manque de mourir. On reçoit des menaces de mort à chaque semaine à cause de des ça. Des mises en demeure. Tout le kit. Là. Parce que c'est une plateforme qui est en flash. On est au courant que c'est en flash, mais comme il n'y a personne d'entre nous qui a un logiciel d'aiguillage vidéo, ben c'est la plateforme la plus simple qu'on a trouvée pour pouvoir vous montrer nos trois faces en même temps, puis pouvoir inviter du monde en vidéo. Mais il y a, si je me trompe pas, je sais pas si j'ai pas vu s'il était là, notre ami. Il est pas venu au 77. Bref, le feed vidéo d'ici est censé être repris et réenvoyé dans l'application iPhone, les amateurs de Mac Bonsoir et Podcast Mac Québec, évidemment, aux heures de diffusion. Il était censé venir nous rejoindre. Il y a probablement eu un empêchement. Mais le but, c'est ça. C'est qu'on continue à utiliser la plateforme Vocal. Par contre, on a maintenant une application sur iOS. Et si vous la téléchargez, elle est gratuite. Une application pour le podcast Mac Québec, une application pour les amateurs de Mac Bonsoir. Et cette application-là vous permet de nous écouter en live, d'écouter les podcasts en différé, de nous voir en vidéo en live, quoique ce soir, ça ne l'est peut-être pas. Donc, c'est ce qu'on a fait pour les nombreuses demandes qu'on a eues pour les gens qui nous disaient « C'est bien, Nono, vous avez un podcast à propos du Mac, puis vous diffusez sur une plateforme Flash. » C'est vrai, mais à ce que je sache, sur des Mac, le Flash fonctionne encore jusqu'aux dernières nouvelles. Fait que là, on est en train de pallier au problème sur iOS. Monsieur Ducharme nous demande s'il y a un équivalent de Vocal en HTML5. À date, on n'a pas trouvé. C'est ça. En cherche, là. Parce que Apple, je fais une parenthèse développeur, on fait plein de parenthèses, mais l'application, je vais parler rapidement avec Oups77, ça se peut qu'ils me reviennent là-dessus là, en écoutant le podcast, là, mais Apple a développé pour, j'imagine dans les prochaines années, il va pousser ça encore plus, mais du HTTP live streaming. Puis c'est un peu comme ça qu'il pousse dans l'application. Parce que quand j'avais parlé à Cybernard, puis je sais pas s'il l'avait dit dans le podcast ou hors du podcast, mais il y avait pas beaucoup de... on dit sur YouTube, ben c'est ça, du streaming en HTML5, ça n'existait pas vraiment, ou c'est encore restreint. Apple a sa propre affaire, qui c'est du HTTP live streaming, qui pousse dans des applications, puis on regardera ça, là, peut-être, si jamais il y a des samples d'applications pour faire iPhone diffuser sur une application iPad, je veux dire, Mac vers iPhone, peut-être on essaiera de trouver quelque chose pour le diffuser d'un logiciel qu'on pourrait faire, là, que je pourrais comme développer. Mais c'est ça, donc on regardera ça là, dans les prochains mois. Là. L'autre chose que je voulais mentionner était au niveau, parce que là, on a des gens qui sont en ligne en ce moment. On a 12 participants, 10 spectateurs. Si dans les spectateurs, vous voulez intervenir, ben il faut vous inscrire à la plateforme Vocal. C'est assez simple. Là. Ça prend votre nom, votre adresse email, puis un mot de passe. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir nous poser des questions via l'engin de questions, soit vidéo ou en texte. Et ce qui est intéressant, ce qu'on aimerait en fait, c'est s'il y avait du monde qui était game de venir nous poser des questions en vidéo, parce qu'on n'a jamais eu pratiquement pas en fait. Donc, ce serait vraiment intéressant si quelqu'un pouvait participer. Évidemment, on va demander à Kim là, va participer avec nous. Ouais, ok. Kim, viens nous poser une question. Oui. Viens jaser de ta journée. Là. On va attendre longtemps, d'après moi. Donc, c'est ça. On essaie de développer, en fait, évidemment, c'est un travail bénévole qu'on fait sur Mac Québec, mais on essaie quand même de développer les demandes qu'on a. Donc, on cherche fort. Continuez à nous les envoyer. Puis, si vous en trouvez une plateforme HTML5... Oui, on cherche fort, effectivement. Il y a Livestream, il y a Ustream, mais il y a des publicités, puis ça fait pas exactement ce qu'on veut. Donc, on est encore à la recherche. Puis, malheureusement, Vocal est encore la plateforme. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'eux autres sont bien à l'écoute. Ils nous écrivent, ils ont pris contact avec Jean-François une couple de fois. Ils m'ont écrit, moi aussi. Mm-hmm. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, on peut discuter avec eux autres puis leur proposer certaines choses. Parce qu'au nombre de fois qu'on fait des podcasts, eux autres le voient, ils voient le nombre d'affluences qu'ils ont sur le site, puis ils nous envoient tout le temps des messages après, comme moi, ils m'ont envoyé un, je sais plus trop quand, il y a 2 semaines environ, puis ils m'ont demandé comment ça allait le service, tu vas attendre, avec leur nouvelle mise à jour de site web, mais c'est ça, mais tu sais, ils sont vraiment à l'écoute de ce monde-là, là, fait que c'est vraiment bien, c'est juste que là, pour l'instant, j'ai encore demandé si une application iPhone ou Android pourrait voir le jour, mais ils m'ont dit peut-être, mais ils ne savent pas quand. Okay. Mais d'après moi, ça va arriver peut-être 2012, là, mais ça serait le fun au moins qu'ils sortent une application. Là, pour, je sais qu'il y en a qui sont très, très techniques là, dans le chat. Donc, l'explication, là, c'est Hoop7777 qui nous l'a donné. Mais ce que vous voyez, ce n'est pas un feed vidéo. Vous voyez les 3 feeds vidéo séparés. Donc, c'est pour ça que le flash a comme de la misère. Un peu, là, parce que lui, il doit prendre 3 feeds vidéo, te créer des petits carrés, puis te sacrer la vidéo dedans. Fait que ça doit prendre comme pas mal de bandes passantes. Puis plus on rajoute du monde, plus les serveurs là-bas doivent chauffer. Mais j'ai jamais vérifié combien de data que ça prenait quand on faisait un podcast. Je pense que je vais faire ça la semaine prochaine. Moi, checker combien ça prend de data en écoutant en live sur le site, là, en nous trois en même temps. Là. OK. Fait que, je vais checker ça. Edouard me dit que j'ai une job pour moi, l'application. En fait, ce qui serait bien, ce qui serait parfait, ce serait d'avoir un logiciel complètement différent pour le diffuser à la fois sur l'application puis sur le site si vous voulez nous suivre, nous poser des questions ou directement dans l'application, là, puis peut-être live stream, je sais pas trop. Ça prend du temps. Puis c'est un projet où on n'est pas payé. Puis je veux pas. C'est pas un salaire que je recherche non plus. Là. J'adore ça faire les amateurs de Mac Bonsoir, mais des fois le travail m'empêche de travailler sur différents projets que j'aimerais pousser. Comme sortir une application de moi par ma part. Je sais pas comment ça se dit bien. Pour ma part. Pour ma part, oui, mais j'ai sorti une application de moi. Elle ne se retient pas de moi, là, sortie de mon ordinateur. En fait, donc c'est ça. Ça se peut que j'aille pas assez de temps pour la faire. C'est juste un projet que j'envoie en l'air. Là, ça pourrait comme complètement sortir dans un mois, mais évidemment, là, si on avait une application ou si quelqu'un trouvait un... Parce que des fois, il y a des samples d'applications, donc des applications de base sont disponibles, puis ensuite vous basez sur ça pour développer une application, puis ça peut vous aider. Une espèce de template. Ouais, c'est comme un thème, puis quelqu'un diffuse, si vous trouvez quelque chose là-dessus sur HTTP live streaming, mais une application Mac, donc un .app pour Mac, ce serait parfait parce que on pourrait diffuser dans l'application rapidement, puis on n'aurait pas de problème justement de flash ou quand on ouvre une page, on est supprimé la conversation sur Vocal, donc vous ne voyez plus, donc il y a des petits problèmes comme ça. C'est sûr que ça, ce serait idéal là, pour pousser notre vidéo. Ouais, ben vas-y, GF, mais j'ai pas vraiment de réponse, honnêtement. Moi non plus, on va demander à Kim. Donc, il y a City Guidou qui nous demande pourquoi le site de Mac Québec met du temps à ouvrir par rapport à d'autres. Il y a beaucoup d'élèves. Moi, j'avais remarqué, puis je sais pas si c'est la version officielle, là. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent dans l'application, puis je sais pas s'il y a des leaks de mémoire ou... Pardon? Sur le site. Sur le mandat site. À l'écran. Oui, c'est ça. Oui, le thème en arrière, c'est une image en tant que telle. Donc, quand vous votre connexion diminue puis vous essayez de connecter à Mac Québec, ça peut être un peu plus long. Je sais pas si avec les changements qui ont été faits par rapport à l'ancienne version, ça va un peu plus vite ou peut-être un petit peu plus lent parce qu'il y a encore, je pense qu'il y a un peu plus d'affaires dessus. Mais c'est une belle suggestion aussi à faire, à vérifier aussi par... Souvent, ça va être les régies publicitaires là, qui vont ralentir parce que ouais, c'est vrai. Une fois que le site est loadé, il faut que les publicités soient loadées d'un côté. Peut-être aussi l'autre chose, sans nécessairement vouloir mettre la faute sur eux, mais je sais qu'on est hébergé chez iWeb et que récemment, ils ont refilé en fait tout ce qui était c'est hébergé sur des serveurs de colocation, c'est-à-dire être plusieurs sur un serveur. Ils ont envoyé ça à une autre compagnie, donc peut-être que l'optimisation n'est pas encore bien faite. En tout cas, ça pourrait être de ce côté-là aussi. Pour ma part, ça load quand même très bien, mais je l'ai en cache, donc je ne sais pas. Peut-être un problème de DNS aussi chez toi, c'est Tiguidou. Si tu vas avec un routeur sans fil et que tu trouves les cases DNS là, dans ton routeur avec bon, habituellement là, ça va ressembler à t'as tes adresses IP fournies par le DHCP. 0.0.1. Non, t'as des adresses DHCP, après ça t'as le range 255.255.0.0 là, ou whatever. Après ça, t'as l'adresse du routeur. Puis là, t'as les serveurs DHCP, là, c'est des adresses bizarres. Tu peux remplacer ça par 8.8.8.8 ou 8.8.4.4 pour le premier et le deuxième serveur DNS. Ce sont les serveurs DNS de Google qui habituellement, en tout cas dans beaucoup de cas, sont plus rapides que les serveurs de ton fournisseur d'accès. Tout dépendant. Il y a des logiciels qui peuvent servir à faire des tests là-dessus. Je pense que j'en ai un. Bougez pas, là, je vais essayer de voir. Il me semble que j'ai un logiciel. Laissez-moi trouver. Parce qu'il y a tellement un gros dossier application dans cet ordinateur-là, ça n'a pas de bon sens. Là. Il rouvre, là, ça déborde. Là. Tiens, là, c'est le launchpad, il n'a pas assez. Tiens. Ouais, moi, j'ai deux launchpads qui roulent en même temps. Écoute, je le trouve pas vite de même, là, mais j'essaierai de retrouver ça. Mais j'avais un logiciel qui faisait une espèce d'analyse des DNS et tout ça. C'était quand même assez bien fait. Mais ça pourrait être ça aussi la raison pourquoi ça ne roule pas très bien chez vous. Drop the question. On a une autre question qui attend. On essaiera d'y répondre plus tard parce que honnêtement, j'ai pas vraiment la réponse. Moi non plus, j'ai pas suivi ça ben. C'est sorti récemment, là. Oui, la semaine passée. Donc, on essaiera de voir un petit peu plus tard. Pour retourner à nos questions, il y a apeltier007 sur Twitter qui nous demande une suggestion de routeur sans fil parce que le nombre d'appareils se connectant dans sa maison augmente sans cesse et que le sien tient plus la route. Donc, pour ma part, je lui ai suggéré, et je pense qu'il est en Apple, en tout cas, il y a des périphériques à Apple, là. Il parlait de iPad et de iPhone. Il y a le Time Capsule et le AirPort Extreme. Le Time Capsule, c'est un appareil qui contient un disque dur et qui permet de faire un backup de votre ordinateur à l'aide de la fonction Time Machine de votre appareil. Oh, C'est drôle qu'on en parle parce que là, je trouvais que mon ordinateur il commençait à chauffer. Justement, il était en train de faire son backup. Voilà. Je vais en fermer. Non. Interromps pas ça. Jamais. Là. C'est pas une bonne idée d'interrompre un backup time machine quand il est fait. Donc, le time capsule, en fait, si vous avez des ordinateurs à Apple, c'est bien. Mais si vous avez simplement des périphériques à Apple ou des appareils iOS, à ce moment-là, le AirPort Extreme va faire la job. Et dans ce que Appeltier 007 nous disait, ben, c'est qu'il y avait des invités, des fois, qui venaient à la maison. Le AirPort Extreme a une fonctionnalité pour avoir un réseau d'invités. Donc, si vous voulez avoir un réseau qui est très, très protégé, dont le SSID ou le nom là, est pas diffusé pour un maximum de protection, vous pouvez quand même avoir à côté un SSID pour les invités avec leur propre mot de passe. Comme ça, quand ils se connectent, ils sont pas dans votre réseau, vous partagez pas tous vos dossiers avec eux, tout ça. Donc, ça, c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante. Les derniers AirPort Extreme qui sont de la quatrième génération fonctionne à 450 mégabits, ce qui est très, très rapide. Les backups Time Machine, le transfert de données par AirDrop, la nouvelle fonctionnalité là, dans Lion, ça fonctionne vraiment bien. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de QoS sur le routeur, comme je l'expliquais plus tôt, mais moi, c'est un routeur que j'apprécie beaucoup. Il lésine pas du côté processeur aussi. Ça n'a jamais été vraiment divulgué, mais c'est quand même quelque chose qui est assez puissant en termes de puissance processeur. Et c'est un routeur qui est gigabit aussi. Peut-être un des petits défauts, c'est qu'il y a trois connecteurs à l'arrière où est-ce qu'on peut brancher un appareil filaire. Bon, ça demandera à ce moment-là d'avoir une switch pour en avoir plus si vous voulez connecter plus de périphériques. Mais je pense que l'un dans l'autre, c'est un routeur qui est bien intéressant. Fonctionne très bien. Oui. Sinon, en fait, ben si on est un peu plus patenteux, il y a moyen de se payer un petit ordinateur avec des cartes Wi-Fi dedans et en installant des versions de Linux spécifiques. Entre autres, il y a des logiciels open source comme Monowall ou PFSense qui sont des logiciels de firewall, mais aussi des logiciels de gestion de réseau qui sont très, très, très poussés, qui sont capables de faire un paquet de choses, entre autres de prendre deux connexions Internet et de les bander ensemble pour en faire une seule. Donc ça, on peut retrouver ça chez PFSense, du QoS très, très, très poussé, du VPN intégré, tout ça. Donc ça, à ce moment-là, vous pouvez vous monter une petite machine ou peut-être que vous avez un ordinateur qui traîne et à ce moment-là, on peut installer ces logiciels open source dedans, ces logiciels open source-là dedans et commencer à faire du Wi-Fi, du sans fil. Évidemment, il va falloir rajouter à ça peut-être une radio qui a un petit peu plus d'allure. Quand je dis radio, c'est une carte sans fil équipée d'une radio qui est assez puissante si on veut faire du Wi-Fi. Puis peut-être installer une carte réseau aussi avec plusieurs connecteurs réseau. Puis là, on aurait en fait... moi, j'ai des ordinateurs ici, là, des vieilles machines, des P4, 3 GHz là, avec 512 MB de mémoire. Ça n'existe pas un routeur avec ça dedans. Là, t'sais, il n'y a pas de routeur 2.4. GHz, donc c'est un routeur qui va être capable de prendre beaucoup, beaucoup de load et qui va être capable de gérer en fait le réseau sur beaucoup de trucs à ce moment-là. Puis on pourrait adjoindre à ça un AirPort Express ou un AirPort Extreme en mode bridge qui lui fournirait le Wi-Fi, tout ça. Donc, il y a plusieurs possibilités. Et en dernier, j'aimerais attirer aussi votre attention sur des produits que vous pouvez trouver sur le site ubnt.net.org. En fait, ce sont les routeurs Ubiquiti. C'est une petite compagnie qui fait toute une série de produits, autant un routeur pour la maison que des soucoupes que vous pouvez installer sur le toit de vos maisons qui vous permettent en fait de faire des connexions Wi-Fi longue distance. Puis quand je parle longue distance, là, ce sont des trucs qui peuvent fonctionner à différentes, On parlait du 2.4, du 5 GHz. On peut avoir aussi du 900 MHz. On peut avoir différentes ondes comme ça. Puis on pourrait faire des connexions, par exemple, en Wi-Fi 2.4 GHz ou 5 GHz à plusieurs kilomètres de distance. Les gens qui ont des chalets en campagne, puis par exemple, là, c'est une situation qui arrive super souvent. Vous avez la ville qui est la petite ville là, qui est pas trop loin, qui elle est fournie en sans fil de façon correcte, mais vous avez les chalets tout autour qui eux ne peuvent pas avoir de connexion haute vitesse, qui ont de l'allure. Ben à ce moment-là, ce que vous pouvez peut-être faire, c'est aller voir, je sais pas, le bar du coin, le bar de la place, qui lui reçoit fort probablement une connexion internet intéressante. Lui proposer en fait un projet de monter ces soucoupes-là sur le toit ou sur un poteau assez haut sur son établissement. Et puis à ce moment-là, de chez vous, vous pouvez braquer des antennes et Ubiquiti en vent qui sont vraiment pas chères. Ces antennes-là, en fait, qui vont faire de la réception de signal de leur côté. Et à ce moment-là, avoir de l'Internet distribué par le bord du coin, tu sais, puis peut-être séparer la facture de sans fil. Bref, ce que je vous dis, c'est que, oui, Bell puis Vidéotron, là, dans leur clause, c'est marqué que vous n'avez pas le droit de redistribuer puis revendre puis blablabla. Puis je veux pas nécessairement vous encourager à ça, mais il y a des places où ce qu'ils sont pas, ces compagnies-là. Puis il y a des places, je veux dire, un ordinateur qui n'a pas d'Internet, là, ça sert à rien en 2012. Fait que si vous êtes capable, en tant que citoyen, de prendre possession de vos moyens de communication, d'installer des produits qui vous coûtent pas cher, puis d'apprendre un peu plus c'est quoi du sans-fil, puis de patente à gosser ça un peu, ben ça peut être des projets qui sont super intéressants. Fait que voilà, c'était la minute éditoriale de la semaine, là, parce que moi, des fois, là, passer le 49e parallèle, ils me font chier, ces compagnies-là. Oh, ouais, exactement. Bref. J'aimerais faire un tour sur la question qu'on voulait mettre de côté pour l'instant. C'était laquelle, là? De Dean, le Wi-Fi Protected Setup. Oui. Uh-huh. Je ne sais pas si on peut la mettre un petit peu. Okay. Oui, je vois là. OK, c'est fait. En fait, bon, l'affaire, hein, c'est quoi exactement? T'sais, la phrase entre parenthèses à la fin là, qui dit « Ne dites pas que c'est moi, j'ai honte », puis son nom écrit en dessous, ouais, là. En tout cas, non, mais juste... il aurait dû le mettre au début, pas à la fin. Ouais, j'avoue. Là, OK. Ah, désolé, Dean. Ben, en plus, son nom apparaît en dessous. Ouais. OK. En fait, la faille, c'est à propos du... je vais faire juste un retour sur ce que c'est le Wi-Fi Protected Setup. Je vous donne un exemple. Vous allez dans un café, puis vous n'êtes pas à Montréal, donc il sans fil ne fonctionne pas là. Puis, je sais pas, moi, par exemple... vous pouvez acheter un code, un pin code là, pour avoir une heure d'Internet dans un café. Puis vous avez, je sais pas, ça coûte 3$. Vous l'achetez, vous recevez ça sur votre facture. Puis vous rentrez, quand vous allez sur Safari, vous voyez en haut à droite la liste des réseaux disponibles. Puis il y en a un, c'est le café. Puis il n'y a pas de mot de passe. Ben, il n'y a pas de... Il n'y a pas de cadenas pour vous dire vous êtes obligé de rentrer un mot de passe tout de suite. Donc, ce que vous faites, vous cliquez dessus. Et ensuite, sur Safari, vous avez une page où vous pouvez rentrer votre code dessus puis vous êtes disponible pendant une heure. Donc, ça, c'est le Wi-Fi Protected Setup. Donc, c'est pas du web, c'est pas du WPA. C'est une façon qui est plus sécuritaire, qui était plus sécuritaire que le web. Donc, on ne pouvait pas, au départ, faire je sais pas c'est quoi en français, un brutal force, donc craquer le réseau. Maintenant, le problème, c'est pas, je pense qu'il y a 4 façons de faire, mais c'est à propos des pins. Il y a une façon de faire un crack de justement le réseau Wi-Fi Protected Service Setup, pardon, donc le WPCS. Puis c'est en faisant justement une attaque comme ça, il y a il y a quelqu'un qui a sorti un PDF là, disant comment le faire, là, puis je ne donnerai pas le lien là, parce que je sais pas si c'est bon vraiment ou non de pousser ça, mais de toute façon, vous allez sur Internet puis vous allez tout de suite le trouver. Puis ça vous explique comment le faire. Au départ, c'était plus sécuritaire que le web. Maintenant, à la maison, utilisez pas ça. Utilisez WPA ou WPA2 pour vos connexions, parce que ça, c'est plus... C'est plus quand vous faites, je sais pas moi, comme je l'ai parlé avec un café, pour une entreprise. Vous ouvrez un service Internet, ou même à Montréal, il y a différents endroits où tu peux juste aller pour te connecter sur Internet, puis ça te coûte un certain montant pour 6 heures ou 3 heures ou peu importe. Donc, puis vous recevez un code, ça pourrait être craqué. Je l'ai pas essayé, je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas si ça fonctionne pareil que le web. Moi, j'ai déjà essayé de craquer une adresse web, comme une clé encryptée en web. C'était assez facile de le faire, là. J'ai été surpris. Ça a pris 3-4 heures, puis c'était fait. Puis là, souvent, tout le monde a dit ça, mais je l'ai fait pour de vrai. Je l'ai pas fait ça contre quelqu'un. Je l'ai essayé sur mon airport pour l'essayer, voir. Puis c'était assez facile. Donc, je recommande le WPA pour être sûr d'être protégé. C'est un niveau d'encryption plus élevé que le web. C'est une façon de faire différent. Donc c'est ça. Moi, je pensais que le Wi-Fi Protect Setup, c'était dans certains nouveaux routeurs Link 6, la façon de les configurer, tu pouvais y aller par l'interface web, mais quand tu ouvrais, en tout cas, quand tu ouvres le routeur, il y a un collant dessus puis il y a un piton. Si tu pèses dessus, c'est comme... Ça part tout seul, puis je pensais que c'était ça, le Wi-Fi Protect Setup. Non, mais ça, c'est un peu comme un... C'est un petit peu, là. Mais tu as dit mettre vos routeurs en WPA. WPA 2. Oui. Parce pas que le WPA personnel, là... Pas entreprise, premier, par contre. Là. Non, c'est ça. Lui aussi, il est craquable. Ça prend un petit peu plus de temps. Là. En ce moment, la clé d'encryption est assez ardue là, là-dessus. En ce moment, avec du web, là, je te dirais que des ordinateurs, là, ils peuvent faire ça en à peu près 2 minutes, là, même moins c'est pas que ça. Trop long, là. Ça dépend de la fréquence que tu reçois de, mettons, du routeur que tu reçois. S'il est proche de toi, tu vas recevoir plus de paquets plus vite que si, mettons, il est plus loin. Fait qu'en recevant tes paquets plus vite, la clé va se promener plus vite. Fait que la façon de le faire habituellement, c'est d'avoir 2 cartes sans fil. C'est-à-dire, par exemple, sur un Mac, tu as une petite clé USB Wi-Fi plus ta carte Wi-Fi à toi. Et ta carte Wi-Fi envoie des paquets et la carte USB, elle, est en mode d'écoute. Donc, elle écoute tout ce qui se passe sur le réseau. Puis, à un moment donné, elle est juste capable de dire, OK, ben à chaque communication, c'est ça. Fait qu'il analyse, en fait. Puis, moi, j'ai vu quelqu'un, en fait, être capable de me sortir le mot de passe d'un système web plus rapidement que ce que j'ai pris comme temps à téléphoner à la réception de l'hôtel, puis être capable en anglais de me faire comprendre la fille, puis d'y demander c'est quoi le mot de passe, tu sais. Ben, ça dépend si c'est de la machine, ça dépend comment tu le fais. Comme je vous dis, c'est quand même assez facile de le faire du web. Du WPA, je ne l'ai jamais essayé parce que c'est un petit peu plus complexe, ça prend un peu plus de temps. Ça, j'imagine, puis j'en ai déjà entendu parler du monde qui allait sur avec Amazon, le service qui a du CPU vraiment pas cher. Le S3, là. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Dans le fond, utiliser le CPU d'Amazon pour craquer. Je pense que c'est Sony, je pense, a été fait comme ça, je suis pas sûr. Mais différents services qui ont déjà été piratés. Je vous recommande pas ça, c'est sûr. Mais comme tu l'as dit tantôt, du WPA2, ça va vous protéger là, pour la plupart du monde, à moins que quelqu'un vraiment de craqué qui travaille à la NSA ou à la CIA qui voudrait vraiment avoir votre mot de passe, ben écoutez, vous pourrez rien faire là. Ils vont l'avoir votre mot de passe. Ben il y a des systèmes commerciaux commercial ou industriel là, qui vont fonctionner avec une authentification sur un serveur distant Radius. Ça c'est sûr que c'est ce qui est le plus sécuritaire, mais c'est l'équivalent d'installer une porte de coffre-fort de banque à votre porte d'entrée d'appartement. Là, c'est un peu trop en termes en termes de sécurité. Puis ça va tellement... Tu sais, la sécurité, plus tu l'augmentes, moins tu es capable de travailler efficacement. Tu sais, si pour rentrer chez vous, il fallait que tu checkes tes empreintes digitales, que tu donnes une goutte de sang, qu'ils checkent ton iris, puis les veines de ton poignet, puis tout ça, ça te prend... Tu sais, quand tu arrives avec l'épicerie, les deux mains pleines, tu fais comme... Ah, tabarnak! Tu sais, tu peux pas rentrer chez vous parce que tu as un protocole trop long pour rentrer plutôt qu'une clé, puis tu tournes, puis tu rentres. C'est sûr que, bon... À la maison, là, à moins que vous ayez là, des données vraiment, vraiment importantes, du WPA2, ça va faire la job. Peut-être que ne pas diffuser votre SSID serait aussi une autre façon de ne pas se faire repérer. Maintenant, on est dans des endroits qui sont tellement saturé de Wi-Fi que si toi, tu ne diffuses pas ton SSID, le hacker, qui va vouloir avoir une connexion Internet, il va aller sur un autre routeur, il va s'en sacrer, il a l'embarras du choix. Mm-hmm. L'autre chose que tu peux faire aussi, c'est discriminer les connexions par la MAC adresse. Et là, quand je dis MAC adresse, c'est un espèce de chiffre correspondant à ta carte réseau que tu peux rentrer dans ton routeur puis dire « ces appareils-là peuvent rentrer ». Par contre, une MAC adresse, un, ça se spoof. Et deuxièmement, dès que tu vas avoir un invité à la maison, ta problématique, ça va être que il va faire « ah, c'est quoi le mot de passe? » Tu vas lui donner. Là, il dit hey, « ton routeur n'est pas là. » Là, tu lui donnes le SSID. Là, il rentre. Là, il y avait-tu des lettres majuscules, des lettres minuscules? Puis là, il dit « ah, je peux pas me connecter. » Il veut pas. Puis là, tu fais « ah, attends, c'est quoi ta MAC adresse? » Puis là, il va te dire « ma quoi? » Puis là, tu sais, voyons, là, ça va prendre 15 minutes pour se connecter. J'ai pas de MAC. Ouais, c'est ça. Voyons, j'ai pas de MAC. ça va être tout croche. Là. C'est... Fait qu'il y a une balance à avoir entre votre propre paranoïa puis la facilité de rejoindre le réseau que vous voulez avoir. Là, tu sais, puis ça peut dépendre d'un paquet de facteurs. Là. C'est après Noël, je pense. Bon, c'est à peu près peut-être deux jours après Noël. Moi puis Crapule, on checkait combien qu'on avait d'items qui se branchaient au réseau sans fil de la maison. T'sais. On calculait combien qu'on en avait. T'sais. Lui, je pense qu'il en avait calculé 9. Moi, j'ai calculé 10 appareils qui se connectaient Wi-Fi chez nous. Là. Wow! Fait que, non, mais ça va vite maintenant. Là. Ouais, c'est ça. Calculer la Xbox, la PS3, les téléphones, toutes ces affaires-là, là, ça monte vite en 6 bols maintenant. Voilà. Fait que, mais surtout, si vous commencez à cacher vos... en tout cas, faut pas tomber dans la paranoïa, comme tu disais, mais si tu commences à cacher ton SSID, puis là, faut que tu le rentres, puis là, tu te trompes, ah ben, vierge, là, faut que tu recommences, puis c'est assez long. Là, fait que... Mais moi, je trouve ça pratique, par contre, les cacher, parce que moi, c'est ça que je fais, normalement... Là, toi, t'habites dans un trou, il y a pas de voisin chez vous? Non, mais je trouve ça quand même... Tu sais, je veux dire, même... C'est une autre attaque, hein, c'est ça. Le podcast Mac Québec est élitiste. On est très, très urbain. On se calisse des régions, puis... Moi, je m'en vais, si je suis plus capable. Aïe, aïe, aïe. C'est-tu qu'on aime ça, taper dessus? C'est tellement le fun. Ah oui. Ouais. C'est fait, je suis revenu. Bon, merveilleux. Vincent, je voulais. Je voulais te demander, t'as-tu cherché pour le film là, Tintin sur Google? Ah, ça. C'est la deuxième fois que je l'entends genre aujourd'hui parce qu'en l'écoutant dans le post-prod. En plus, c'est vrai. Désolé, c'est pour les gens qui sont là, c'est vraiment une inside joke, puis je vous dirais bien d'écouter l'épisode précédent du podcast, mais il n'est même pas disponible encore. Ah non, quand vous allez écouter le dernier podcast, là, vous allez brailler. Là. C'est quelque chose. Là. Moi, j'étais plus capable, fallait être là. Ouais, j'avoue. Bon. J'ai rien fait de post-prod là-dessus. Là. Donc, on a une question en ligne. Je suis content parce qu'au dernier... au dernier Les Amateurs de Mac, bonsoir, on n'avait pas eu une question, mais on l'avait faite comme une journée, puis on ne l'avait pas dit, puis on avait, je pense, il y avait la sœur, c'était les fêtes aussi, il y avait la sœur de Vincent qui nous écoutait, puis c'était à peu près tout, là. Ma sœur, j'étais chez vous. Ouais, mais je l'ai vue sur ton iPhone, puis... J'ai-tu scrappé la question qu'on avait on de Biker Chief? Oui, on se souvient plus de la question. C'était quoi? Ah oui, la carte 3G. Il a acheté une carte 3G, une carte SIM, en fait, sur eBay. Écoute, Biker, je ne veux pas t'écœurer avec ça, puis j'espère que tu le prendras pas mal, puis tu vas continuer à nous écouter. Mais il les donne gratis, ces cartes-là, si tu vas les chercher chez les différents fournisseurs d'accès. Ici, si tu vas chercher, par exemple, Rogers ou TELUS ou Bell, ces cartes-là, ils vendent 10$, ils ne les donnent pas gratis. Donc, tu n'avais pas nécessairement besoin d'en acheter une. Mais si, par exemple, tu as acheté une carte 3G pour un service, par exemple, comme Orange en Allemagne, en France, en Allemagne, ou Verizon. Je sais pas si Verizon offre l'iPad, mais mettons AT&T aux États-Unis, puis que c'est pour l'utiliser aux États-Unis. Oui, ton iPad est débarré et il devrait pas avoir de problème pour l'utiliser, mais je suis curieux, Biker, écris-nous donc combien tu as payé ça sur... C'est 10$ chez les fournisseurs, ouais, c'est Rogers, ces affaires-là. C'est pas très cher, là, mais... Il ne le dira pas, il le paye plus cher. Il ne le dira pas, il a dû payer plus cher que ça. Fait que... Je viens de regarder, puis l'iPad est disponible chez Verizon. Ah, OK. Ah. Puis, Monsieur Ducharme, qui est toujours à l'écoute pour nous reprendre, nous rappelle que c'est une carte micro-SIM qu'il faut... Faut que ce soit 3$, c'est un bon deal. Écoute, c'est correct. 25$ de shipping, Oui, effectivement. c'est quelle compagnie que tu as commandé? Puis, en fait, la micro-SIM, c'est pas juste pour le 2, faut pour l'iPad. Le iPad 1, est-ce qu'il y a une micro-SIM ou c'est une SIM normale? SIM normale. Je pense que oui. Quand le iPhone 4 est arrivé, là, il y a eu des micro-SIM. Voilà. Mais le iPad 1, c'est une SIM normale, puis les autres, c'est micro. C'est des micro-SIM. À partir du iPhone 4, là, ça a été des micro-SIM. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions cette semaine? Oui, il y en a quelques-unes encore. Ouais, vas-y. Il y a Fox Gold qui, sur Twitter, nous disait qu'il y avait un problème, en fait, de mot de passe. Elle ne se souvenait plus du mot de passe de son routeur et elle voulait savoir comment le récupérer. Faut savoir que dans les routeurs, habituellement, il y a toujours deux mots de passe. Le premier étant celui qui, bon, si tu as mis un service de sécurité quelconque, comme on le suggère WPA2, ben il y a ce mot de passe-là qui est simplement le mot de passe que le routeur va te demander quand tu vas vouloir te connecter sur le routeur et profiter de la connexion Internet. Le deuxième mot de passe, c'est, puis souvent, en fait, il est par défaut, là. Maintenant, les routeurs te demandent là, de le changer dans le setup de départ, mais souvent, en fait, c'est admin, là, ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est le mot de passe qui te permet d'administrer en tant que tel le routeur. Donc, ça, il va te le demander quand tu vas rentrer. Bon, pour les appareils AirPort, c'est un petit peu différent, mais la plupart des routeurs sans fil vont se configurer avec une page web, en fait. Donc, pour se connecter sur le routeur, tu rentres l'adresse IP du routeur, qui est souvent le 192.168.0.1. Et c'est à ce moment-là que le routeur va te demander le mot de passe de l'administrateur pour pouvoir configurer l'appareil. Et si tu l'oublies, bien là, t'es un peu mal pris, là. C'est ta clé pour rentrer chez vous. C'est comme si tu l'avais oublié. Fait qu'à ce moment-là, il y a un petit bouton « Reset » en arrière du routeur. Ce petit bouton « Reset-là », en fait, pour chacune des compagnies, dans le guide, ils vont dire comment l'utiliser. Et souvent, surtout chez D-Link, en fait, j'ai vu ça, quand tes appels au service à la clientèle, ils vont te dire de l'utiliser d'une autre manière et de surtout pas l'utiliser comme c'est écrit dans le guide. Bravo, tu sais, okay. C'est vraiment champion. Mais moi, il y a une recette que, vous le savez, là, j'ai été bénévole pour Il sans fil pendant 8 ans. Fait que les Link 6, là, on avait une recette pour les rebooter puis les resetter qui fonctionne sur à peu près tous les routeurs. Donc, la recette, c'est facile. On appelle ça le 30-30-30. OK? Donc, c'est de prendre une bobépine ou en fait un truc qui va rentrer dans le trou pour resetter. On s'accote dessus, on l'enfonce. Donc, on le sent là, qu'il y a une pression exercée puis que le bouton est rentré. Et là, on va enfoncer ça pendant une trentaine de secondes. Une fois que c'est terminé, une fois qu'on a fait notre 30 secondes, on va laisser le bouton enfoncé, on ne l'enlève pas, et on va enlever l'électricité du routeur. Donc, il y a le petit branchement à côté qui est le branchement électrique, et on va l'enlever pour un autre 30 secondes, tout en laissant le bouton, la bobépine, là, ou le pic enfoncé dans le bouton reset. Et au bout de 30 secondes, on va rebrancher et on va laisser un autre 30 secondes le bouton reset enfoncé. Là, si tu te souviens, là, ça, c'est l'équivalent là, d'avoir donné deux commotions cérébrales à votre routeur. Fait que s'il n'a pas oublié son mot de passe, puis toutes les autres affaires, il y a un problème. Mais ça, ça devrait vraiment nettoyer le routeur. Puis à partir de ce moment-là, ben c'est le mot de passe par défaut que vous allez avoir. Dans le cas d'un routeur Apple, ben il va reprendre son nom, son SSID original. Apple fait ça, là, il se crée une espèce de SSID avec un numéro créé par le routeur. Puis là, ça s'appelle Apple, je sais pas quoi, Apple ID, nanana. Puis à côté, vous avez des lettres puis des chiffres ensemble, là, peut-être 7 ou 8 caractères. Donc ça, c'est votre routeur une fois qu'il est reseté. Vous connectez dessus, vous lancez l'utilitaire AirPort et vous allez refaire la configuration. La configuration du routeur avec le AirPort Utilities. Puis là, il devrait avoir oublié pas juste le mot de passe administrateur, mais toutes les configurations que vous avez faites. Fait que va falloir refaire la configuration au complet. OK. Est-ce que, Dean, tu peux parler, s'il te plaît? Est-ce que t'es là? Bonjour, Dean. Dean, nous entends-tu? Il semble... Attends une seconde. Tiens, on va l'appeler. Ah, je ne l'avais pas appelé, je l'avais ajouté. Il ne semble pas avoir de... As-tu un micro? As-tu un micro? Bon. Oui, celui de son... Ah, ça marche pas, ça. De quoi? Du Mac? Ouais. De son iPod? De son... Ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Bon, non, ça ne marche pas, On va raccrocher. Désolé, Dean. Il est en vidéo sur... Oui. Salut, Dean. Un collaborateur omniprésent chez Mac Québec. Mais c'est sûr, très bons articles. Moi aussi, à 14 ans, j'avais rien que ça à faire, écrire des articles sans faute d'orthographe, puis super bon sur des sites web. On peut pas l'entendre, malheureusement, mais il peut nous faire des saluts en attendant, puis hocher de la tête pour nous dire qu'on est dans le champ ou pas. Là, fait que, yay! Yay! Pour retourner à nos questions, donc ça répond, je l'espère, à la question de Foxgold, qui était sur Twitter. Ouais, voilà. Je rappelle, je veux juste dire que ça s'écrit F-O-X-G-O-T-T-E. G-O-L-T-E, je pense. G-O-T-T-E. Ah oui, OK. Foxgold. Ben, c'est ça qui est écrit dans le Google Docs. Ouais, mais c'est moi qui l'ai écrit, fait que ça se peut que ce soit écrit tout proche. Il y a Julie Saint-Pierre qui, en fait, elle nous a pas posé une question parce qu'elle sait pas qu'on l'existe. Elle est animatrice de radio, puis elle a fait Mixmania. Puis elle avait un problème avec son appareil. Moi, j'ai capté la conversation en plein milieu, puis on a commencé à en discuter sur Twitter, puis il y a eu une petite discussion par rapport à ça. En fait, elle avait... je savais pas c'était quoi l'appareil. Je suis allé voir, mais son iPhone, en fait... parce que c'est ça l'appareil, est tombée capote. Et puis, elle est allée... en fait, son iPhone de 14 mois, c'est probablement un iPhone 4, et ouais. Bon, il date du mois d'octobre, il ne fonctionne plus. Donc, elle est allée chez Apple, puis on dit, ben on peut aller changer, tu sais, il n'y a pas de problème, mais il est en dehors de la garantie, fait que c'est 170$ pour qu'on te l'échange. Mm. Donc, il y a cette possibilité-là qui existe, puis honnêtement... Si on est en dehors de la période de garantie, 170$ pour un téléphone que tu as payé, bon, soit 299$, mais qui en vaut peut-être 700-800, c'est pas si pire comme deal, sauf qu'il faut savoir quand même faut savoir quand même quelque chose. C'est qu'au Québec, il y a une loi de l'Office de la protection du consommateur qui s'appelle la garantie légale et qui stipule, et là, je vais lire, puis je vois mes compatriotes en train de sélectionner le même lien que moi. T'es plus vite. Voilà. Donc, qui stipule en fait un certain nombre de choses, mais qu'un produit ne doit pas avoir de vis caché. En fait, techniquement, tout ordinateur a un vis caché. Là, ouais. C'est comme, dès que tu l'achètes. C'est inhérent. Là. Dès que tu l'achètes, c'est sûr qu'il y a un vis caché. Mais bref, on ne s'assinera pas là-dessus. Mais la dernière clause de ça dit que le produit doit offrir une durée raisonnable compte tenu du prix payé, du contrat et des conditions d'utilisation du bien. Donc, cette clause-là, ce qu'elle veut dire, c'est que si tu te payes un téléphone que tu as payé 400$ puis qu'au bout de 14 mois, il flanche, ben la loi a dit « ça n'a pas d'allure », fait qu'on est en mesure, nous autres, de dire à la personne ou au fabricant, « Hey, change-y son téléphone pour gratis. » Bon, maintenant, quand récemment, il y a eu des petits changements, ils ont donné un petit peu plus de oomph à la loi de l'Office de la protection du consommateur. Et par exemple, sur les garanties prolongées, souvent, on va vous offrir des garanties prolongées. Normalement, quand on vous parle des garanties prolongées, le vendeur est supposé vous parler clairement de cette garantie légale-là et de vous dire quels sont les avantages de sa garantie prolongée par rapport à la garantie légale. Or, pour avoir fait l'expérience, là, on est allé acheter une caméra chez Future Shop à ma mère il n'y a pas longtemps. Et le gars, il a mixé la garantie du fabricant et la garantie légale. La garantie du fabricant, c'est la garantie de X nombre d'années que tu as sur un produit, habituellement un an, qui fait que tu peux communiquer avec le fabricant puis lui dire « J'ai acheté mon produit à telle date et il ne marche plus maintenant, donc tu peux-tu me l'échanger? » Puis là, s'il sait que c'est un problème qu'il y a souvent avec son appareil ou quelque chose comme ça, ils vont vous l'échanger. Y a-t-il quelque chose que j'entends rire derrière moi? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je voulais dire que le fournisseur, mettons, Future Shop ou n'importe quel magasin doit en premier lieu parler de la garantie légale avant de parler de sa garantie prolongée à eux. Oui, voilà. Ils sont obligés de parler de la garantie légale avant leur garantie à eux. Sinon, ils sont dans le tort. Pis, c'est ça. Puis comme on n'est pas au courant, puis c'est ça que je dis, quand on est allé chez Future Shop, le gars a voulu nous vendre sa garantie prolongée, donc il nous a parlé de la garantie légale. Mais de la manière qu'il a fait ça dans son pitch de vente, c'est qu'il a dit « Évidemment, le produit est protégé par une garantie légale », puis là, il a commencé avec sa garantie prolongée. Mais il n'a pas fait la distinction entre la garantie du fabricant puis c'est quoi une garantie légale. Et la plupart des fabricants ou des revendeurs, ils vont pas vous la faire, la garantie légale. Ben non, c'est sûr. De la manière qu'il faut procéder, c'est aller aux petites créances, monter un dossier. C'est pas vraiment compliqué, là. Vous avez à expliquer qu'est-ce qui a été fait, c'est quoi le problème. Vous avez fait des recherches un petit peu sur Internet, puis vous avez trouvé des gens qui ont les mêmes problèmes à peu près dans le même temps. Ça prend une page, tout ça. Vous allez aux petites créances, vous payez 60 $ pour ouvrir le dossier. Ce 60 $-là est remboursé si vous gagnez votre cause. Et comme la jurisprudence existe, vous allez la gagner, votre cause. Allez pas demander un remboursement sur un lecteur MP3 à 15 $ 5 ans après, ça ne marchera pas. Non. La garantie légale reste raisonnable, puis ça va faire qu'un produit à l'intérieur de 2 ans, 2 ans et demi, même pour un laptop, même pour quoi que ce soit, va faire que si vous gagnez votre cause, ben vous allez avoir un papier qui oblige le fabricant à vous réparer le bien, et s'il n'est pas en mesure de le faire, il doit vous l'échanger contre un bien équivalent en valeur ou quelque chose comme ça. Il n'a pas le droit de jouer avec la dévaluation ou quoi que ce soit. Fait qu'à ce moment-là, vous avez... C'est sûr que ça demande de s'impliquer, là. Ça demande d'aller remplir les papiers, mais... Oui, mais encore plus facile. Ouais. Je vais vous donner un truc. Vous faites votre mise en demeure, vous l'envoyez à la compagnie, mettons Future Shop, Best Buy ou n'importe quel magasin. On parle tout le temps d'informatique ici, mais on va parler de ça. Puis après, vous écrivez AV, vous allez passer à l'arbitre avec Maître Goldwater. Fait que vous allez passer à la TV si vous voulez que ça soit plus vite, parce que attendez-vous pas que ça se règle demain matin, là. Ça peut prendre un an et demi, 2 ans, 2 ans et demi. C'est très long, là. À l'arbitre? Ah ouais, c'est ça, à l'air bitch! Pour ceux qui ont écouté le bye-bye, là. Puis ceux qui l'ont pas écouté, ils sont j'allais dire un autre mot, là, mais ils sont perdus. C'est disponible sur tout.tv. Ouais, c'est okay. Ça. Mais c'est ça, c'est que... Parce que c'est ça, c'est quelque chose, monter ça, puis c'est très long, là. Ça se réglera pas demain matin, là. En petite créance, c'est quand même assez rapide, d'après ce que je sais, là. Si le dossier est bien monté, là, c'est pas si long que ça. En fait, ce que vous allez avoir à faire physiquement puis vous présenter, ça prend un avant-midi. Fait que c'est sûr que ça peut peut-être être long avant de passer là-bas. Je sais pas si la décision est rendue sur le champ après avoir entendu les deux parties, Mais le... Tu sais, des fois, même Best Buy puis Turshop peut dire « Ok, non, regarde, c'est vrai, j'ai regardé ça, puis ça me dérange pas. » Au lieu de rester coincé dans un, justement dans les petites créances pendant quelques mois, là, Ben, ils sont obligés, c'est ça l'affaire, c'est qu'ils sont obligés. Puis si vous connaissez vos choses, tu sais, mettons, vous en allez en magasin, puis là, vous emmenez vos feuilles, toute la patente, là, OK, vous lisez ce que vous avez, la garantie légale, ils sont obligés de vous le changer, là. Puis là, s'ils veulent rien savoir, là, vous allez aux petites créances, mais voilà. Normalement, ils sont obligés de vous le changer. Qui, comme elle a dit, de 2 mois après sa date d'expiration, sa garantie, je veux dire, pas sa date d'expiration, sa garantie, sont obligés de changer chez Apple, là. Fait que c'est sûr, là. Moi, j'ai même vu des gens au Apple Store arriver avec un téléphone 3G. Bon, évidemment, il est encore en vente, donc techniquement, il est possible qu'il soit encore sous garantie. La personne est arrivée, puis son écran était pété, puis ils ont changé. C'est sûr que ça dépend sur qui tu tombes, parce que techniquement, ils ne sont pas censés le faire, ou au moins, ils sont censés charger le 170 $ d'échange. Mais des fois, chez Apple, ils sont très, très gentils, parce que justement, ils veulent pas que tu te retrouves avec un produit qui est poirche, un produit qui est... il est possible qu'il te le change, mais évidemment, c'est toujours une discussion. Si t'arrives là-bas avec les veines qui te sortent du cou, puis que tu leur hurles après, puis que tu fais un scandale en magasin, tu viens déjà de briser quelque chose pour eux, là. T'sais, tu viens déjà de déranger les centaines de clients qu'il y a autour. Fait que tu fais pas ça. Tu essaies de discuter avec eux autres, tu vois quel arrangement qui est possible de faire. Puis si l'arrangement il est pas bon, ben tu peux prendre ton appareil puis partir puis essayer de voir à une autre solution, peut-être le faire réparer par un third party, il y en a si vous cherchez sur les packs Kijiji, il y a du monde qui peut venir à la maison. Sinon personnellement, moi j'aime bien Zone Acro qui est une compagnie sur Sainte-Catherine. Sainte-Catherine, au coin de Saint-Hubert. Juste en face du Métropolis, là, qui fait de la modification de consoles de jeux vidéo et de la réparation de iPhone avec des pièces qu'ils commandent. Les gars qui sont là-bas sont super compétents. Sont très gentils. Puis, ils essayent de faire vivre des produits qui tu sais, on parle de surconsommation, on parle d'obsolescence programmée, c'est-à-dire des produits qui deviennent désuets après un an, 2 ans, puis qu'on jette. Bien, il y a encore moyen, des fois, de faire fonctionner ces produits-là. Puis Sébastien Légaré, dans la chatroom, dit que sa blonde est allée au Genius Bar cet été, puis avec son iPhone défectueux, puis est sorti 15 minutes plus tard avec un appareil neuf. C'est comme ça, Apple. Ouais. Moi aussi, ça m'est arrivé. J'étais allé à Québec, j'ai changé. Ça a peut-être pris un peu plus de temps parce que j'avais pas de rendez-vous, là, mais en une demi-heure, j'étais sorti, j'avais mon nouveau iPhone, je me suis connecté sur iCloud, puis comme tu l'avais déjà dit dans un autre podcast, j'ai rechargé tout avec le Wi-Fi de Apple qui est gratuit. Puis ensuite, ben, je suis reparti. Puis il n'y a pas de problème. Vous enlevez votre carte SIM, vous la remettez dans l'autre, puis ça fonctionne. Donc c'est vraiment pratique. C'est pour ça qu'on paye, hein, les Apple fans aussi, parce qu'on a un très bon service de Apple. Genius Bar s'en fait partie. Puis souvent, les gens, c'est sûr que Apple fonctionne d'une manière un petit peu différente, c'est-à-dire qu'ils demandent de prendre rendez-vous avant. Sauf que ce rendez-vous-là, là, moi, je pars de chez nous, j'ai oublié d'en prendre un rendez-vous, j'ouvre mon iPhone, je tape dans Google Apple Store Laval ou Apple Store Sainte-Catherine, je check les journées, puis souvent, ça me prend 25 minutes de me rendre là-bas, puis dans une demi-heure, il y en a un rendez-vous. Même l'application. L'application Apple Store permet maintenant de prendre des rendez-vous. Donc, tu rentres dans l'application, tu prends ton rendez-vous, tu arrives là-bas, tu dis au gars, écoute, regarde, je suis arrivé un matin, là, puis j'ai dit, regarde, il y a une scratch sur mon téléphone. Je le sais, c'est mon kid qui l'avait pitché à terre, le téléphone, tu sais. Le gars, il me l'a échangé, c'est un 4S, là. Il n'a pas posé de questions à savoir c'est que ça venait, puis tout. Il voulait pas me laisser avec un téléphone qui était scratché. Le téléphone était sous garantie. Lui, ça y enlève rien. Moi, ça me rend heureux. Puis quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de monde dans le magasin. Et je me connecte au réseau sans fil de la place. Puis là, je dis, ah oui, il va m'échanger mon téléphone. Fait que je pars la synchronisation iCloud. Puis c'était dans les premiers jours où est-ce qu'il l'avait. Fait que je pars la synchronisation iCloud. Fait que toute la bande passante que j'ai utilisée, tout le backup, c'est fait par le réseau de Apple. Puis quand le gars m'a donné mon numéro de téléphone, je mets la carte SIM dedans, je repars le téléphone, puis là, il me demande « c'est quoi ton iCloud? » Fait que j'y rentre, puis toutes mes icônes d'application sont toutes apparues en gris pour me dire « ben ils vont toutes se synchroniser. » Donc, je suis resté comme... Bon, j'ai bretté dans le magasin le temps que mon téléphone se resynchronise, mais je suis sorti du magasin, puis mon téléphone, il était exactement comme quand j'étais parti, là, tu sais. Tout ce que j'avais besoin de faire, c'est de rentrer mes mots de passe parce que, évidemment, niveau sécurité, le mot de passe se reset là, quand tu changes d'appareil. Donc, puis, que je veux dire, donc? Par contre, moi, j'ai eu un petit problème puis j'ai voulu prendre un rendez-vous. La madame m'avait dit de prendre un rendez-vous avant parce que quand j'étais allé à Montréal la première fois puis on s'est vu Alex, Alexis, 10 minutes, genre. En fait, moi, j'ai eu un... Il n'y avait plus de place, mais elle me dit « OK, à quelle heure tu peux venir demain? » Puis même si j'étais en après-midi, puis ça fermait, je pense, à 10 heures, il y avait plus de place, il y avait tellement de monde, là. Puis, donc, c'est sûr que c'est mieux de prendre un rendez-vous, parce que dans l'application, je pense que ça va vous dire que... Ben, t'es obligé. Ça dit-tu qu'il y a un délai ou... Ben, c'est-à-dire qu'il essaie, si de toute la journée, mettons, tu rentres le matin, puis il y a du monde qui prennent des rendez-vous, même si t'es arrivé avant eux, ben en fait, à partir des ordinateurs d'en place, tu peux le prendre ton rendez-vous là, ou tu es juste épais. Tu peux parler avec quelqu'un qui va se prendre ton rendez-vous. Ouais, c'est ça aussi. Fait que il va te mettre en ligne là, mais il priorise toujours ceux qui ont pris des rendez-vous effectivement. Mais si cette journée-là, tout le monde est booké, ben malheureusement, t'en as pas de rendez-vous là. T'sais, tu... Oh, ouais, c'est sûr. Tu peux pas. On a-tu d'autres questions? Oui, on a une autre question en fait. Rob Sam, qui 112, qui m'a demandé en fait directement sur Twitter, puis je vous la pose aussi la question, si ça vous concerne. Il m'a demandé pourquoi j'ai quitté PC pour aller vers le Mac. Et pour ma part, en fait, moi je suis infographe de formation. Et il y a une dizaine d'années, je prenais ma formation et on utilisait un logiciel qui s'appelle Quark Express. Et en infographie, qui est l'art de préparer un document imprimé au niveau visuel, mais aussi au niveau typographique, c'est-à-dire les lettres, les espaces entre, tout ça, on faisait ce qu'on appelait des espaces fines. Je ne sais plus s'il y a encore du monde qui utilise ça, mais un espace fine, c'est un espace qui est moins large qu'un espace normal et qui est fait dans... Pour faciliter la lecture, je me souviens plus exactement c'est où qu'on met des espaces fines, mais quand on fait, mettons, un rapport annuel d'une compagnie puis que tu veux que ce soit super clean, super lisible, tu fais un espace fine. Et sur un Mac, tu avais trois touches à faire, un raccourci clavier tout simple à faire. Et sur PC, j'ai réussi à le trouver une fois, mais ça prenait comme trois mains, tu sais, pour réussir à faire ça. Fait que pour ma part, ce qui m'a fait changer du PC au Mac, c'est les espaces fines. Vous autres, les gars? moi, c'est pas les espaces fines. moi, en fait, au départ, j'haïssais Mac. J'ai été... mais en fait, c'est pas nécessairement que j'aimais pas la plateforme, mais le monde autour de moi aimait pas Mac, donc j'aimais pas Mac. Puis... j'avais essayé un Mac, mon Dieu, je m'en rappelle pas où. Puis j'avais adoré ça, j'avais vraiment aimé l'expérience. Je pense que j'étais dans un Apple Store, puis j'étais curieux. Puis ben, j'ai décidé de vouloir m'en acheter un, puis ça a pris une couple de mois. J'ai ramassé mon argent, j'ai suivi un cours de pilotage. Puis durant ce cours de pilotage-là, j'ai eu un peu d'argent pour ça. Donc, je me suis acheté un ordinateur, puis ben, je suis parti en même temps sur le développement d'applications. Je pense que c'est plus ce côté-là qui m'avait intéressé. Je voulais développer, puis il n'y avait pas de plateforme alternative sur Windows ou sur Linux, à la limite. Donc, vraiment, je pense que c'est vraiment aussi l'iPhone qui m'a poussé vers le Mac. Ouais. C'est l'effet Halo qui appelle. Ils ont commencé ça avec les iPods. Fait que les gens qui avaient qui achetaient des iPods se disaient « Tabarouette, c'est bien simple à utiliser. » Fait que ça les intéressait à la plateforme Apple, puis ils tombaient dedans. Fait que toi, c'est la même chose. Tu as été victime de l'effet Halo. Toi, Gino? Moi, c'était aussi pour l'effet développeur là, de l'iPhone, mais oui, effectivement. Ouais. Ben moi aussi, c'est pour ça que, comme on vient de dire, l'effet halo, c'est parce que c'est tellement plus simple fonctionner avec macOS que sur Windows. Premièrement, il y a moins de bugs. Il n'y a pas de virus. Fait que c'est en partant ça, là, c'est sûr, c'est ça là, pour moi. Là, on n'a pas d'antivirus, on n'a pas besoin de bon, on a besoin d'une sécurité, oui, mais pas tant que sur Windows, là, qu'il faut tout le temps mettre à jour leur, comme à chaque année, il faudrait mettre à jour nos antivirus, tout le temps payer et toute la chose. Aussi, la beauté du système, moi je trouve que c'est vraiment là, le à comparer de Windows. Mais c'est sûr qu'avec Windows 7, ils ont amélioré vraiment comment t'appelles ça, non? Le desktop, là, toutes les options maintenant qu'ils ont mis, il va être encore plus dans Windows 8, mais pour moi, pour ma part, c'est sûr que... Hey, ça fait combien de temps que je suis sur Mac? 2005? Ouais, 2005. Fait que... Ah, ça fait quand même un beau... Ouais, 6-7 ans. Ouais. Ouais, ça fait un bout, là, c'est pas d'hier, là. Toi, Alexis, ça fait combien de temps que t'es là-dessus? Moi, en fait, le premier ordinateur que j'ai eu, c'est pendant mon cours d'infographie, et c'était un PC. C'est ce qu'on avait. On était pauvres à l'époque, puis on avait juste les moyens de se payer un PC chez nous. On s'entend que. OK. Tu sais, le monde. Mais à ce temps, c'est moins pire là, avec les parts de marché qu'Apple prenne. Mais avant, tu te promenais avec un ordinateur Mac. Tu allais, mettons, dans un café ou juste au centre d'achat. Puis tu te prenais un café ou dans un second cup, whatever. Puis là, tu voyais une personne avec un Mac. Tu te faisais aborder. Là, il y a donc bien de l'argent, ouais. Lui. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est sûr, mais que oui, tu payes pour la machine. Mais ça fait. Je sais pas si t'as remarqué, puis t'es à Montréal, là, je sais. Moi, je l'ai remarqué peut-être un peu plus ici, mais quand j'arrive avec un iPad, des fois, ça peut faire la même affaire. T'arrives dans un café, t'arrives avec ton iPad, ton café, puis pas que tu te fais regarder, mais tu sens que. Tu sais, je veux pas non plus It brings the chicks. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, comme l'histoire, oui. Parce qu'à Montréal, on le voit pas, ça, mais en région, c'est sûr que le monde sont moins... Tu sais, comme toi, Vincent, t'habites à Trois-Rivières, ouais. C'est sûr que c'est pas pareil comme à Montréal. À Montréal, là, à cette heure, tout le monde a des Mac, là, des iPads, des iPhones, des enfants de même. C'est sûr que c'est plus ouvert ici, mais à Trois-Rivières, mettons, comme tu dis, dans un café, tu t'en vas là, t'arrives avec ton iPad ou ton MacBook Pro 2011, là, dernière génération, puis là, tu mets ça sur le comptoir, puis tu roules ça, là, le monde... Imagine quand t'arrives avec les trois, tu sais, t'arrives avec moi, je développe, j'arrive avec mon Mac, avec mon iPad accroché, puis mon iPhone, iPhone. Écoute, comment ça? Closer, c'est comme ça. c'est le monde font. Tu sais, c'est vraiment ça, mais c'était drôle au début quand j'ai commencé, puis comme je disais, t'arrives dans le café, tu rouvres ton Mac. Puis là, t'arrives en plus, après, t'arrives avec l'iPhone 3G, là, le monde dit, tabarnouche, j'ai pas de bon sens, il a donc mis de l'argent, lui. Ouais, mais c'est quand même, c'est sûr que j'ai voulu mettre la pièce dedans, parce qu'on s'entend qu'un ordinateur à 1600$, mettons, avec les taxes, là, c'est pas tout le monde qui est capable de se payer ça, là. Fait ouais. Que, faut que t'en ramasses ton argent pour ça, là. Mais c'est sûr qu'avec ça, t'as pas de problème, là. Tu sais, les machines sont très solides à comparer. À ce temps, sont bonnes les versions PC, mettons, de portable, on parle pas de desktop, mais sont vraiment c'est des bonnes machines, ça tient, là, tu sais. Fait que ouais, tu sais, quand tu as du Core i3, i5, i7 sur ton Windows 7 sur ton laptop, tu sais, ça fait l'affaire là maintenant. Ouais, mais c'est pas un i3, un i5, un i7 de Mac. Ouais, non, c'est différent. Ouais, c'est sûr. C'est vraiment pas la même. OK, c'est peut-être le même processeur, ils font des tweaks dessus, mais bon, c'est sûr que non, pour moi ça a été vraiment, tu sais, ça a été la beauté de la chose, tu sais. Fait que hey, on a fait une belle bulle sur nos vies, hein. Oui, voilà. Oui. Alexis, il parle pas, attends, tu veux? On l'entend plus, là. On l'entend plus? Alexis? Oui, je suis là. Ah, OK. C'est bon, OK. Je vous laissais parler. La dernière question de la semaine, à moins qu'on en ait d'autres sur la plateforme. Bon, oui, vous êtes toujours invité à venir nous poser vos questions. En bas ici, un petit bouton « Ask a question », juste à côté du bouton « Send », d'après ce qu'on m'a dit. Avant, je le savais pas. Moi, je l'ai pas, moi, celle-là. C'est bizarre, le monde m'a dit ça. Moi, je l'ai pas. Moi, c'est encore la petite en bas. Ça, c'est parce que t'es pas administrateur, mais t'es co-host. Parce que quand je m'étais connecté pas en co-host, ça avait fait ça, je voyais en bas à côté du send, là. Fait que ceux qui sont connectés en co-host, c'est pour ça. Ah bon, j'ai rien dit. Voilà. Donc, la dernière question de la semaine vient de Norm Boulanger qui nous demande plus d'informations sur la rumeur d'événements de la fin janvier qui serait, si je me trompe pas, ce serait animé par Eddie Q. À New York, oui. À New York. C'est ça. Donc, c'est... évidemment, Apple fonctionne beaucoup, beaucoup avec ces présentations-là. En début d'année, il y a souvent eu un Macworld. Apple n'y participe plus. Mais tout juste après le CES, si je ne me trompe pas, c'est à Paris ou à Boston? C'est à Boston, le Macworld? C'est où? Je sais pas, c'est où. Attends un peu. Là. Vous regarderez ça. Donc, il y a un Macworld qui va avoir lieu dans le coin du CES. Apple ne se présentera pas au CES, où ce serait très étonnant, mais ils ont tendance à sortir quelque chose aux alentours du CES pour fucker le chien avec les autres compagnies. Hey, ça fait un bout là, qu'ils sont pas au CES. Oui, non, c'est ça. Ça fait très longtemps. Donc, il y avait le Macworld. Puis là, ils font... ils commencent à faire, en fait, des présentations pour les journalistes directement chez Apple. C'est ce qu'ils ont fait en dernier. Je pense que c'est à New York. OK. Donc, il va y avoir un Macworld où les fabricants de périphériques, de tout ce qui est de logiciel, puis name it, vont se retrouver pour présenter leurs produits. Mais Apple directement n'en fait à peu près plus partie. Donc, il y aurait une présentation d'un événement et c'est au niveau de e-book. Donc, c'est pas... C'est pas confirmé, c'est des rumeurs. Ouais, je crois c'est des rumeurs, c'est ça. Mais ça sonne, là. Habituellement, Apple lance ou propose des nouveaux produits ou parle de nouveaux produits à la fin janvier, début février, comme ça. Oui, c'est surtout à cause au niveau marketing qui sont à New York aussi. Ils pourraient en profiter peut-être pour annoncer les nouveautés qu'il y aurait dans le iPad 3 pour créer le buzz jusqu'au mois de mars. Ça pourrait arriver. Souvent, ils le présentaient en début d'année comme ça. Le premier iPad, si je ne me trompe pas, a été présenté en janvier pour une sortie autour de mars-avril. Donc, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Mais la rumeur prétend que ce serait par rapport à iBook, par rapport aux éditions, par rapport à tout ce qui est livre. Moi, ce que j'ai l'impression, mon feeling, puis d'après ce que j'ai lu, ce serait par rapport probablement au... en fait, ce serait pas si intéressant que ça pour le Canada, mais d'après moi, ce serait les livres éducationnels. Donc, soit des livres moins chers pour les étudiants ou soit tous les livres que les étudiants ont besoin pour les études. Donc, ce serait vraiment, vraiment l'entente qu'Apple aurait faite pour avoir des livres moins chers, mais c'est un feeling que j'ai, puis c'est parce qu'Apple a toujours été très touché, a toujours fait ce qu'il fallait vers l'éducationnel. Oui, il y a toujours l'option qui est disponible, mais je dirais que l'iPad encore n'est pas très ouvert côté cégep ou secondaire à la limite, parce que même moi, j'avais pas le droit dans mon cours de français d'apporter mon iPad pour... J'avais téléchargé Adolf, qui est le livre que je pense que j'en ai parlé dans un autre podcast, mais il fallait que je lise. Puis, je l'ai quand on s'est couché à 3h du matin, genre? C'est ça, puis que finalement, c'était le lendemain que je le remette, puis ça a très bien été, là. Mais je l'avais téléchargé pour pas être obligé de payer, vu que ça a été écrit dans les années 1800, là. Mais puis j'avais pas le droit de l'apporter en classe, donc même si je peux pas apporter un livre, je sais pas si... J'imagine qu'il y a des écoles aux États-Unis qui ont des programmes pour ça. J'en ai déjà vu. Puis même quelqu'un qui était venu pour les iPod Touch, là, on a eu une question pour ça là, sur plusieurs racks qui voudraient au Nouveau-Brunswick qui voulait avoir une espèce de tips là, pour ça. Mais c'est ça. L'iPad, c'est pas encore bien vu, je dirais, dans les cégeps puis dans les secondaires pour l'instant. Moi, pour l'anecdote, ma copine suit une formation Et la formation, c'est pour devenir cadre, c'est pour former des gestionnaires. Et ils leur ont dit, c'est un tout nouveau programme, là, tu sais, ça vient d'être fait, tout le kit. Fait que je me souviens plus c'est à quelle université, là, je pense que c'est Laval ou Sherbrooke. Ils leur ont dit, on va vous fournir des iPads, tout le kit. Puis à un moment donné, je flash, puis je fais, attends une minute. Fait que je prends comme mon iPad, puis je dis, c'est quoi le site de l'université où est-ce que tu te connectes tout le temps? Tuc, tuc, tuc, je rentre l'adresse, enter, ça marche pas. Leur portail ne fonctionne pas sur le iPad. Ça fonctionne uniquement sur Internet Explorer puis Firefox, PC. Ah. En fait, non, sur Mac, ça fonctionne. Puis j'ai même essayé, parce qu'il y a des furteurs sur le iPad qui te permettent d'annoncer un autre user agent, un autre browser que celui sur lequel tu es. iCab, si je me trompe pas. Là. iCab, Dolphin aussi le fait. OK. Puis j'ai essayé avec ça, puis no way, ça fonctionne pas. Fait que là, elle les a avertis. Mais tu sais, en tout cas, c'est une problématique parce que la technologie évolue très, très rapidement. Puis les fonds qui vont à la technologie dans les écoles, eux autres ne viennent pas. Tu sais, ils font des... on a investi 8 millions en 1995. Ben, je suis désolé, là, mais en 1995, tu sais... Dean n'était pas né, tu sais. Fait que... C'est un ordinateur qui date de avant un gars qui écrit sur un blog des articles par rapport à ça, là, tu sais. Fait que, what the hell, là, tu sais. C'est vraiment en poche. Puis ça, c'est une problématique. Puis l'autre problématique, c'est de dire on va remplacer tous les manuels scolaires qui valent une quarantaine de dollars chacun par un iPad qui en vaut 500. Fait que, là, il y a comme, mettons, on va dire qu'il y a trois grosses matières, là, français, anglais, puis mathématiques à l'école, puis tu perds un de tes livres, ben c'est 40$ que tu as à payer. Perds ton iPad, voir avec tes trois livres dedans, tu sais. Ça va être difficile. Fait qu'à ce moment-là, on a des questions. Mais, ouais, mais je vais juste finir quelque chose à propos de l'événement qui supposément fin janvier. Moi, je dirais peut-être aussi qu'ils vont peut-être parler des nouveaux Mac Pro. Ah, fait peut-être, avec Ivy Bridge dedans? Ou ou parce qu'en plus, que il y a une belle carte graphique qui s'en vient. Ouais. Fait que, d'après moi, ils vont peut-être annoncer un nouveau Mac Pro. Fait que, comme j'ai dit à Alexis cette semaine, on va sortir 3 000$ de nos poches, puis on va les mettre en ligne à 5h du matin pour avoir notre Mac Pro. Ben, de un Mac Pro, il n'y a pas grand monde qui se met en ligne. C'est pas un iPhone. Là. Et Chris, non. Non, c'est ça que ça coûte plus cher. C'est ça. Deuxième chose, en fait, c'est que dernièrement, en fait, les dernières mises à jour de Mac Pro n'ont pas été faites avec tambour et trompette. C'est-à-dire ben non, que, hey, ça date de 2009, je pense, la dernière version. C'est ça, puis ça a été fait avec une fermeture de l'Apple Store, une réouverture le matin, puis garde, c'est ça, il y a 4 heures de plus, ça torche, puis si tu veux rouler, achète ça, tu sais, puis il y a 4 heures. Ils ont fait pareil avec les laptops, les MacBook Pro, puis les iMac, à un moment donné, ça a apparu... Puis, je veux dire, ça faisait la façade du site, puis c'est comme ça. C'est les gros changements qui sont, si tu veux, là, publicisés. Là, si Johnny Hive il sort avec un tu sais, s'il sort une télé cette année, c'est sûr qu'il va avoir un événement pour ça. Ah, c'est sûr. Les iPads, ouais. Habituellement, là, le marché est assez gros. Ils vont en faire. Pour l'iPhone aussi, ils vont en faire. Pour les iOS aussi. Mais éventuellement, ça va descendre, puis ils vont arrêter, d'après moi, d'en faire pour ça. Puis, bon, ils vont remplacer des produits par d'autres. T'sais, quand ils ont introduit le MacBook Air, ben ça faisait partie... C'était à l'intérieur d'une présentation, tu sais, mais c'était pas une présentation uniquement pour ça. Hey, tu me fais penser, peut-être aussi qu'ils vont peut-être parler de la nouvelle Apple TV, tu sais, qu'avait trouvé dans les codes. Ça, on a fait vœu de ne pas parler des grosses rumeurs. Oui, je le sais, je sais. Ça, mais peut-être, effectivement, là, qu'ils parleraient d'une télé. Non, pas la télé, la Apple TV, la deuxième version. On a une question que je viens de mettre et qui est très, très pertinente, qui va aussi avec les sujets qu'on a eus aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un moyen d'utiliser Time Machine sans Time Capsule sous Lion, genre avec un Free NAS ou un NAS ou quelque chose comme ça? Ben oui, en fait, la plupart des Network Array Systems sur lesquels moi je suis tombé, que ce soit QNAP ou Synology, même que ce soit les petits modèles là, avec bon, 4 disques durs dedans quand même, étaient compatibles avec Time Machine. Donc, vous les branchiez sur votre AirPort Extreme ou sur votre routeur sans fil d'une autre compagnie et c'était disponible pour le Time Machine. Sinon, avec un disque dur externe, mais it kind of defeats the purpose, c'est-à-dire que si tu fais un backup sur un ordinateur en cas de problème avec l'ordinateur, genre il passe au feu ou genre tu te le fais voler, mais ce serait étonnant que le voleur il vienne, qu'il fasse comme oh, son disque USB doit vraiment servir pour son backup Time Machine, oui. Je vais y laisser, tu sais. Puis ils prennent le temps de débrancher et d'éjecter le disque dur pour pas briser l'indexation. Il y avait un voleur à un moment donné aux États-Unis que j'avais entendu, il avait volé une clé USB ou je sais pas trop, mais il a vu que c'était des documents sensibles, fait qu'il a envoyé les données au gars qui avait volé pour être sûr qu'il ne perde pas ses données de sa clé USB. Ah, oh, c'est bon. C'est, on l'appelle le gentleman cambrioleur. Ouais, ouais exactement. Ouais. Voilà. Bruce Willis de ce monde. Voilà. Le Hudson Hawk. Hudson Hawk, exactement. Oh yeah. Donc, ça répond, j'espère, à la question. Et il y a une façon aussi, si vous avez un AirPort Extreme, c'est pas officiellement supporté par Apple, mais on a parlé souvent, un disque dur USB, un bon disque dur USB connecté en arrière du AirPort Extreme. Habituellement, les disques durs USB qui vont avoir un bouton on, off et auto, vous le mettez sur on, vous le pluguez en USB sur votre Time Capsule, sur votre AirPort Extreme et vous êtes en mesure à ce moment-là de le faire découvrir à Time Machine et de l'utiliser pour faire le backup. Ça fonctionne aussi. Puis comme j'en ai parlé dans anciens podcasts, si vous utilisez imprimante puis disque dur, des fois, vous pouvez pas utiliser les deux en même temps. Ça dépend du disque dur en tant que tel ou de votre imprimante. Moi, mon imprimante, elle vient d'Apple, donc je pense qu'il y aurait pas de problème, là, mais pour moi, le disque dur est pas compatible. Okay. Non, pas la marque Apple. Je l'ai acheté. Il y avait comme une remise postale sur un imprimante. Fait que... OK, là, je suis tabarnouche. Je pense que c'est LaserWriter. Je pense que c'est en 80 quelque, je sais pas quelle année ça finit. Non, quand même pas. Hein. J'ai un scanner dessus. Quand Steve est revenu en 90. Il est en matriciel, tu sais. Il y a une imprimante matricielle, là, comme dans le temps. Là. Emmanuel, tu fous. Tranquillement, tu passes la lumière dessus. Pour... C'est ça. on a une dernière question, puis ça va peut-être demander plus de détails. Monsieur Biker Chief nous dit que son clavier et sa souris ne fonctionnaient plus sur son MacBook et est obligé de redémarrer. Ça peut causer bien des problèmes. Ça peut être bien des problèmes. Ouais. Des batteries qui peuvent être déchargées. Le Bluetooth, si c'est du Bluetooth qui se connecte pas automatiquement au clavier. Si tu fermes, moi ça m'arrive souvent quand j'ai un MacBook Pro. Quand je ferme mon ordinateur puis je le branche dans l'écran, quand je le rouvre, des fois il se déconnecte. Mon clavier tantôt il fonctionnait pas bien. Donc j'ai dû cliquer sur mon bouton Power sur le clavier. Puis, pour être sûr qu'il puisse le reconnaître, puis je suis allé juste sur le Bluetooth, puis je l'ai accepté pour être sûr. Parce que des fois, il se déconnecte, même s'il est supposé d'être auto-connect. Là. Donc, moi, c'est des petits problèmes, des fois, que je reçois. Il y a aussi des problèmes, tu sais, comme tu dis, tu fermes ton écran, tu fermes ton MacBook, admettons, tu le redémarres. Il y a certains problèmes avec les Bluetooth que même moi, que j'ai quand, mettons, je le ferme, puis je le laisse en veille, tu sais, puis je le réouvre, des fois, il ne reconnaît même plus ma souris. Sais-tu comment régler ce problème-là? Je redémarre l'ordi. Ouais, ben en fait, pour que le problème arrive pas, il y a un petit truc, puis pour ma part, ça a quand même fonctionné. Tu cliques sur ton icône Bluetooth là, qui est en haut, l'espèce de B stylisé, et tu fais ouvrir les préférences Bluetooth. Mm-hmm. Quand tu es dans les préférences Bluetooth, tu sélectionnes le périphérique là, que c'est bon. Et en bas, tu as le plus, le moins et le gear. Mm-hmm. Okay? Et dans le gear, quand tu cliques dessus, tu as... Disconnect, rename ou show more info? Bon, fais show more info. OK, ouais. OK. Puis là, sur le côté, tu as un paquet d'informations. Regarde à favorite. Ouais, moi, il est à non. OK. Reclique sur le gear. OK. Tu as l'option « Add to favorite » qui vient de s'ajouter. Puis ça veut dire c'est avec lui que je veux que ça fonctionne tout le temps. Je veux pas que tu déconnectes puis que tu te connectes sur mon iPad ou que tu fasses n'importe quelle connerie. Là. Vous êtes mixé, vous êtes conjoint de fait. C'est ça que ça fait. Vas-tu te faire là, que je fasse les impôts avec? Oui, oui, tout. OK. Fait que, falloir que tu le rajoutes là, sur ton... Ouais, ouais. Puis là, t'as personne à charge. Puis là, ouais, c'est voilà. Fait que ça réglerait le problème si c'était un problème avec ça. Sinon, accrocher la touche F6, là, je me souviens plus si c'est là sur les MacBooks, là, mais il y a comme le numlock là, ou je sais pas quoi. Là, il y a une touche sur... moi, je l'ai plus, mais il y avait ça, je pense, sur les e-books avant. Là, t'accroches la touche F6, là, il y a une petite lumière qui s'allume dessus. Il n'y a plus rien qui fonctionne sur ton appareil, là, ton clavier. Ah non, moi, j'ai pas ça. Touche, OK. Il y a certains ordinateurs, des anciens MacBook Pro qui ont ça, des MacBooks qui auraient ça. Fait que ça peut être la touche F6 qui a été accrochée sans s'en rendre compte. Puis en redémarrant l'ordinateur, là, on voit le problème. Voilà. Sinon, ben, la bonne vieille technique de redémarrer l'ordinateur, là, ça peut être ça. Une petite réparation des permissions, un petit reset de PRAM. Des fois, ça peut faire... Oui, parce que le PRAM contrôle le Bluetooth là, de la machine. Là. Pour faire du... quand tu parlais de F6, c'est quelle commande sur le clavier? Parce que d'habitude, c'est du rétroéclairage. Il y a le F6 en plus petit. C'est quelle touche il faut faire pour utiliser le F6? Fin FN. OK, fonction... fonction, là, ouais, moi, fonction F6, OK, c'est bon. J'appelle ça FN, moi, là. Que... Okay. Oui, c'est ça, c'est fonction. Ouais. Puis tu peux aller le changer pour inverser. Si, mettons, tu veux tout le temps que ce soit F6 puis que tu sois obligé de faire fonction F6 pour le rétroéclairage, tu peux aller dans les préférences système puis aller le changer. OK, parfait. On va répondre à une autre question. Voilà, donc il y a Louis Bastien qui nous demande est-ce qu'il y a une façon de remplacer MobileMe, mis à part iCloud? Et probablement que la question nous est posée pour les fonctionnalités de MobileMe qui n'ont pas, qui ont été coupées là, pendant la migration vers iCloud. Je pense entre autres à iDisk, qui était quand même utilisé par beaucoup de monde. J'ai un client, moi, j'y ai parlé de Dropbox. Il a essayé Dropbox et il haït ça par le simple fait qu'il n'y a pas de... Tu sais, quand tu envoies un fichier dans iDisk, tu as comme la fenêtre qui te dit combien de temps ça va prendre à copier. Puis là, tu as un espèce de compteur. Mais lui, il aimait ça, voir ça. Puis tu n'as pas ça dans Dropbox. Fait que ça le fatigue. Ben, tu l'as dans Dropbox. Tu as l'équivalent, c'est-à-dire à aller mettre ta souris dessus. Ouais, il y a ça. Il trouve pas que c'est la même chose. Il trouve pas que c'est convivial. Puis bon, il aime pas ça. Il y a Gallery aussi, probablement, qui a pas fait le cut. Fait que si Louis pouvait nous dire quelle fonctionnalité exactement il cherche à remplacer de MobileMe, on pourrait peut-être l'aiguiller. Moi, cette semaine, je ne sais pas si vous êtes comme vous, là, mais des services in the cloud cette semaine... Hey, ça a-tu mouillé, tu penses? Il n'y en a plus. Là, je ne sais pas, ils sont en feu, en tabarouette. Ça n'a pas de bon sens. Les quoi? Des services dans les nuages, OK? Il y en a, je ne sais pas combien... qui sont apparus. Puis j'ai été déconcentré parce que Kim elle a écrit quelque chose dans le chat qui est très drôle. Genius Bar Night. Ouais, c'est ça. De jour, il y a les Go à Apple Store. Là, c'est comme les waiters de jour. Le soir, c'est le vrai stock. C'est les vrais dudes qui s'offrent. Ben, c'est vrai parce que... À quelle heure se ferment les Apple, normalement? 9h. Ben, tu vois, 10h, on embarque. Et voilà. Ah ouais. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Parce qu'il ne veut pas aller sur Lyon, c'est pour ça. Ah, OK. Il est encore sur Snow Leopard ou Léopard, on ne sait pas, là. Mais... Tu vois, iCloud, c'est comme une des fonctionnalités que tu es comme pogné ici. C'est comme une des bonnes fonctionnalités de Lyon. Puis si tu veux iCloud, ben tu vas sur Lyon. Il n'y a pas vraiment moyen de bypasser ça. Mais c'est ça. Je parlais des nuages, effectivement. Cette semaine, moi, je suis tombé sur InSync, qui est une espèce de système de synchronisation entre Google Document, qui transforme Google Document en Dropbox. Je suis tombé sur un Dropbox. Eux autres, ils se vendent comme étant le Dropbox open source. Ça s'appelle SparkleShare. SparkleShare. Ah. Et je suis tombé sur SpiderHawk cette semaine. Fait que toi, t'en as d'autres, JF? Ouais, t'as plus. Je suis en train de trouver le nom là, que j'ai trouvé. Là. Ça a l'air que ça a fait. Il est backorder pour l'instant, là, tellement qu'ils ont eu de. De demandes. De demandes, là, t'as un peu. Tu parles de Box? Non, c'est pas Box. C'est un autre. Attends un peu. Je vais le trouver. Continue il y a, à parler. Il y a aussi, Dropbox Automator qui est apparu. Ça, c'est malade. Dropbox Automator, là, c'est de mettre en fait, tu crées des dossiers, OK, dans Dropbox. Après ça, tu t'en vas sur Dropbox Automator et tu mets des automators sur le dossier Dropbox. Ce qui fait que dans ton ordi, dès que tu pitches un fichier dans ça, il est disponible, mais en plus, il y a une action qui a été faite, genre, tu prends un fichier Word, tu le pitches dans le fichier que tu as calé PDF, et sur lequel tu as mis un Dropbox Automator, transforme en PDF, puis tu as un dossier, tu as un fichier automatiquement, ton fichier Word, il est transformé en PDF automatiquement, mais il est disponible, tu sais, fait que tu n'as pas besoin de t'acheter un logiciel pour transformer en PDF, puis il est disponible aux gens avec qui tu travailles pratiquement automatiquement, fait que c'est malade, puis tu peux faire, si tu vas sur Dropbox Automator, il y a un paquet d'autres fonctionnalités que tu peux... que tu peux utiliser. Qu'est-ce que tu as trouvé, toi, Jeff? Moi, c'est CloudOn. Ah, c'est, OK. C'est sur l'iPad uniquement. Ça envoie vous pouvez envoyer vos fichiers Office. Puis l'application va servir comme Documents to Go, mais gratis. OK. Fait que vous pouvez éditer vos fichiers Office directement sur l'iPad avec cette application-là. Mais c'est ça. Mais elle a tellement été populaire... Parce que, vu que c'est gratis, que là, l'application est sold out, on ne peut plus l'avoir pour l'instant. Fait que, d'après moi, ils ont fait un bon coup avec ça. Fait que. Peut-être, justement, ils ne pensaient pas que ça allait être plus populaire que ça. Ben, c'est ça, parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui utilise Page, là. Fait que, beaucoup de monde encore qui utilise Word, Excel, puis PowerPoint, là. Fait que les petits logiciels, les applications, ce qu'il faut éditer, là, c'est comme Documents to Go, je pense que c'est 10$, je pense, vraiment. Fait que même l'application Page est 10$. Fait que c'est ça. Fait que là, en plus, c'est gratis. Fait que vous pouvez l'utiliser gratis, mais pour l'instant, elle est sold out. Puis, En 2012... Il y a des gens qui sont en train de dire dans le chat que Apple devrait nous payer pour offrir le service le soir. Puis Dean répond avec raison que si on se conformait aux standards d'Apple pour les amateurs de Mac Bonsoir, on dirait pas la moitié du tiers du quart de ce qu'on dit parce que... on serait censuré un peu. Sérieusement, chez Apple, là, c'est... c'est carré, c'est drette de même, puis les genius là-bas, si c'est un produit qui n'est pas dans ton carré, parce que... Ah, c'est ça. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, les guidelines pour les gens qui travaillent chez Apple au niveau des communications externes sont sortis, puis pars-toi pas un blog pour parler de ta job, là. C'est comme zéro une bonne idée. Puis même le jaune, les amateurs de Mac Bonsoir, je sais pas s'ils seraient conformes aux couleurs du web comme Google. Je sais pas si t'as entendu parler. Non. Que Steve Jobs avait appelé le gars de Google. Il a dit que ton jaune n'est pas la bonne couleur. Ouais, c'est ça. Change-moi ça. Il a offert, genre, il a appelé, je pense, le PDG une fin de semaine là, pendant qu'il travaillait pas, pour dire écoute, ton jaune n'est pas tout à fait ta bonne couleur que le web standard. Moi, je peux t'envoyer un designer, pas de problème, pour qu'il corrige ça, tu sais. Il a appelé ça, genre, une fin de semaine. Le gars, il travaillait pas, puis il l'a appelé quand même. Puis là, Steve Jobs, en raccrochant, il a comme tassé sa mèche de cheveux, puis il a fait « Qu'est-ce que c'est? » Voilà. Écoutez, ça va mettre fin au show parce qu'on a 2h14 d'enregistré. C'est un très long, les amateurs de Mac Bonsoir, puis on aurait pu... Le plus long à date. Le plus long à date. Mais c'est les gens qui étaient là qui nous ont posé plein de questions. On est super contents. On a eu des pointes près de 30 viewers en plus qui nous ont écoutés. On est à 24. On est à 24, mais tu sais, après deux heures de show, c'est malade que vous soyez encore là. Ouais. C'est vraiment cool. Il est minuit et quart, 24 personnes, c'est exceptionnel. Un jeudi soir, demain c'est vendredi, on travaille quand même. Ben, vous travaillez quand même. Là. Moi, j'attends que le monde m'écrive sur service@macquebec.com un petit peu. D'ailleurs, les gens qui m'écrivent là-dessus, là, c'est pas nécessairement pour poser des questions. On a des canaux beaucoup plus publics pour poser les questions. C'est vraiment si vous voulez avoir mes services que vous pouvez aller sur écrire à service@macquebec.com. C'est sur le site de Mac Québec, là, dans le haut. Maintenant, on offre des services de consultation, formation et services techniques à domicile. C'est moi qui viens à la maison. Donc, voilà. Pour Kim, qui a dit qu'il faut avoir au moins 50 personnes, je vais essayer de sortir le podcast le plus rapidement possible parce que une autre parenthèse, en fait, moi, quand mon système pour me coucher, comme tout est déraillé, parce que je me suis levé assez tard, puis je me suis couché tard aussi, souvent, je passe une nuit réveillé, puis ben, je repars à zéro, dans le fond. Tu sais, je me couche très tôt, puis après ça, ça revient. Souvent, je suis comme ça, puis ça va mieux pour repartir, puis me lever plus tôt. Ça va mieux. Fait que tu t'es trouvé un moyen d'avoir 36 heures dans une journée. Ou en fait 48. Ou en avoir juste 8, des fois. Ouais. Puis, en fait, donc, c'est ça. Puis, pour en venir, ce soir, ben, pour passer le temps, je vais faire la post-prod. Fait que je vais essayer de pousser ça le plus rapidement possible, toutes les émissions, pour que tout le monde, ben, ceux qui vont télécharger le podcast, vont pouvoir essayer de participer rapidement au bêta. Est-ce que c'est encore dans les pipelines, les deux épisodes que j'avais pas enregistré puis qu'on avait réussi à remettre la main dessus. Est-ce que c'est encore dans les plans de les éditer puis de... Oui, oui, ouais, ça va être un petit cadeau à tout le monde là, qu'on va faire dès que ces deux émissions-là vont être faites. Parce que quand je fais une grosse post-prod comme au départ, il fallait compter au moins deux fois le temps que l'émission le podcast, durait. Puis comme là, ça fait 2h15, ça donne 4h30. Des fois, j'en saute. Là. Maintenant, je fais un peu moins de post-prod. C'est aussi bien. Là. Oh, mais on ne dit pas de niaiserie de toute façon. Fait que tu peux l'envoyer. Non, c'est ça. Merci, bonsoir. Alexis. Parce que maintenant ils reconnaissent Alexis, mais au départ, on changerait tellement Alexis qu'ils ne savaient pas si c'était un animateur ou c'était... mon micro me censurait aux 10 secondes. Oui, c'est ça. Ils se demandaient s'il y avait des trains qui passaient comme en arrière de la maison. Là. Ouais. Donc, voilà. Ouais, en tout cas. Donc, je vous remercie d'avoir été là, comme je le disais, et puis on va se quitter. Le podcast Les Amateurs de Mac, bonsoir, se déroule à chaque semaine. C'est le jeudi qu'on enregistre à 22h. Et aux deux semaines, il n'y en a pas eu cette semaine, il y en aura donc un la semaine prochaine. Aux deux semaines, il y a le podcast Mac Québec, qui est plus un show à propos des nouvelles du monde Apple. Puis on y discute aussi d'un sujet. Des fois, les nouvelles s'étirent, puis on n'a pas le temps pour le sujet. Des fois, on a le sujet, puis on ne parle pas beaucoup. J'espère qu'il n'y aura pas trop de nouvelles à Apple d'ici la semaine prochaine. Comme ça, on va peut-être pouvoir finalement faire... comment ça s'appelle? L'émission qu'on est supposé faire depuis je sais pas combien de temps sur la Apple TV. Tout le monde nous la demande, là. Fait que on va essayer de réussir. Depuis le 14 septembre. C'est comme un running gag, là. Tu sais, 7e saison. Les gars, ça fait 7 ans qu'ils font ça. Puis ouais, on va en parler du jailbreak de la Apple TV. Là, ouais, c'est ça. On va en parler un moment donné. Là. Puis on va arriver, on va dire, on va parler de comment on faisait ça avant, là, du jailbreak de l'Apple TV. Maintenant, tout est dedans. C'est un mur que tu fais installer par Apple. Puis voilà. Donc oui, effectivement, on risque d'en parler parce que le jailbreak sur le Untethered, sur le 4.4.4 est sorti, donc sur le iOS 5. Tu l'as installé? Pas encore. C'est compliqué. Faut que tu refasses du début. Faut que tu repasses Season Pass. Faut tout que tu refasses. Ouais, faut tout que tu refasses, par contre. OK. Ça, c'est un petit peu plate, là, mais bon, j'ai l'air... Ben, c'est comme ton téléphone. C'est la même affaire. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Fait que on devrait être en mesure de parler de ça cette semaine, puis peut-être d'avoir I'm Reload avec nous pour venir en parler. Ça bouge beaucoup aussi sur la scène du iPhone pour les iPhone 4S et les iPad 2. Le jailbreak devrait sortir d'ici la fin janvier, si je me trompe pas. Semaine prochaine, qu'ils disent. Semaine prochaine. Fait que ça serait vraiment excellent pour le podcast Mac Québec d'avoir I'm Reload. Fait que on va peut-être parler de ça la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, messieurs, sur les internets? Pour moi, on me retrouve à DEV Vimiller, qui est sur Twitter. Donc, ce qui est sous la... C'est ça exactement, Justine. Ensuite, sur mon site web, vimiller.ca, si vous voulez participer au... ils m'écouteront pas, ils vont juste regarder avec ta caméra, là, JF. Mais... bon, OK, moi... Voulez-vous que je m'en aille encore, c'est ça? Non. Non. On va envoyer par courriel les signes à ceux qui écoutent le podcast en audio. Mais donc ce que je disais, si vous voulez participer au bêta de Mac Québec, écrivez-moi un courriel contact@vimiller.ca. Écoutez le début du show si vous ne l'avez pas écouté. Puis je vous explique tout. Là, puis sinon, passez par mon site, le formulaire, donc c'est la même adresse. Voilà. Et pour ma part, vous pouvez me rejoindre sur Twitter au Alex Cornelier. Je suis pas mal toujours là. J'ai mis à peu près 3 systèmes de notification. Là. J'ai une chorale qui joue à chaque fois que je reçois un tweet. Oui, c'est vrai ça. Si je vous réponds pas, c'est parce que je suis loin de mon téléphone, j'ai plus de batterie ou je suis mort. Sinon, comme je l'expliquais un petit peu plus tôt, on offre maintenant des services sur Mac Québec à domicile. Donc, c'est un technicien qui se déplace chez vous, c'est moi. Donc, je peux vous aider avec vos appareils, je peux vous conseiller sur quoi acheter des produits que dont vous connaissez peut-être même pas l'existence et qui pourraient vous rendre la vie beaucoup plus facile. Donc, je fais ça. Donc, vous pouvez me rejoindre à partir du site Mac Québec et je vous invite à venir poser vos questions cette semaine sur Mac Québec Entraide, sur le forum de Mac Québec et sur Twitter et on y répondra la semaine prochaine. Pour répondre à M. Ducharme, il peut se déplacer n'importe où au Québec. Ouais, mais il y a des pénalités et des frais. Là. Je suis déjà allé faire un road trip jusqu'à Bonaventure en Gaspésie pour installer un serveur là-bas. Appelez-moi pas pour configurer votre Airport Express en Abitibi. Là. J'irai pas, mais pour des grosses jobs, oui, il y a moyen de se déplacer. Donc, voilà. Passez une bonne semaine, messieurs. Bye-bye. Merci, bye-bye. Au revoir.